Cette semaine au collectif, on parle de tentacules, d'ouragans parsemés de vidéos russes étranges, et Milter nous fait un suivi sur sa manette dorée, le film Wild Zero. Place au podcast. La toune, elle vient de jouer, effectivement. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue au Geek Collectif, épisode 4. On est mercredi, le 7 novembre 2012. Eric, Milter, Mélanie, bienvenue. Merci, hey, merci. Salut. Bienvenue, bienvenue. Ça va? Oui, ça va bien, vous autres? Très bien. Oui, oui, oui. J'ai joué à Halo 4. Ça fait pas une demi-heure qu'on parle non plus. Donc, on a eu des petits problèmes d'hébergement, je pense, ces temps-ci. Hein? On a eu des gens qui n'arrivaient pas à télécharger les épisodes. Fait que c'est-tu réglé? Ben écoute, techniquement, oui. Non seulement c'est réglé, mais en plus, ce soir, on fait un test. On est en direct pour la première fois. On avait des problèmes, fait qu'on s'est dit, pourquoi pas aller à front? Pourquoi pas y aller au front, puis on va mettre encore plus d'options à ce moment-là. Non, mais l'hébergement est réglé. Au niveau du téléchargement des fichiers, tout est correct. J'aimerais remercier Dan de Fun Jouer Jeu qui m'a servi de cobaye un peu hors de la région urbaine de Montréal. Puis finalement, les downloads sont rétablis, iTunes fonctionne. Je me souviens pas. C'était Alma. Hein? Ouais, Alma. Radica Poutine, c'est Alma. Ouais, c'est ça, c'était un autre bout. C'est Alma. Mais c'est correct, là. C'est du bon monde pareil, puis on aime bien ça. Pareil. Ouais, dis de même, ça sonne poche. Je vais me reprendre. C'est du bon monde, point. Fait que c'est ça, on a eu pas mal de problèmes d'hébergement, ça s'est réglé. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine pour y aller avec toi, Eric, dans le fond? Qu'est-ce que tu as nous raconté? J'ai une petite chose quand même. On s'est amusé, nous autres, cette semaine, à faire des streams weird à DF The Tentacle. Fait que c'est sûr que ça, on peut pas s'en sauver de pas en parler. Écoute, DF The Tentacle, c'est pas mal mon premier. Non, c'est pas mon premier jeu PC, c'est mon deuxième jeu PC que j'ai fait après Full Throttle. Puis de pouvoir repartager ça, non seulement ça, avec toi, cool, mais avec du monde sur le net. Proche de mes 30 ans, ça commence à être quelque chose d'assez flyé. Là. C'est un beau petit salut aussi au point and click. Il y a une couple de mentions là-dessus sur le groupe en plus, qu'on parlait des point and click. Exactement. On parlait des mists. Je pense qu'il y a quelqu'un qui possède Riven. Oui, oui, oui. Hi-Fi Riven au complet. Scooby-Doo Mystery au Sega. C'est plate. Temporel incorporé. Ça, là, quand t'as parlé de temporel, mon gars, attendez un instant. King Quest. Ouais, mais ça, c'est le classique, j'avoue. Là. Mais tu sais, il y a point and click, puis il y a les jeux que tu choisis, les mots, tu sais, genre. Là, aller vers petite click, pyramide. Il y a Shadowgate, ONS. Shadowgate, ouais, c'est vrai. Ah, quand j'étais jeune, j'ai essayé de le jouer. Tu sais pas Shadowgate? Mais je pense que je vois tu rentres, le juste voir, le commencement, t'arrives, t'es devant une porte, il y a une tête de mort à la porte, il faut que tu rentres en dedans. Faut que tu trouves des clés. Oui. Tu rentres en dedans, faut que tu te bats contre des wizards, faut que tu te bats contre du monde. Tu risques de mourir environ 40 fois dans le jeu en tout. C'est quoi, PC, ça? Mais ça sonne comme non, un... c'est une NES. Shadowgate. Je me souviens pas de ça. Mais moi... c'est écœurant. Mais quand j'ai essayé de jouer quand j'étais plus jeune, je me suis même pas rendu jusqu'au deuxième pièce parce que c'était trop. Ouais, vraiment. Ouais. Mais moi, Milter, tu m'as fait revivre de quoi, là? Quand t'as parlé de temporel cette semaine, là. D'un, tu m'as fait revivre à quel point, quand j'étais jeune, jouer à un jeu vidéo, c'était juste peser sur un paquet de pitons pour pas comprendre qu'est-ce que je faisais. Deuxièmement, puis ma mémoire de poisson que j'avais. Le nombre de shots que je suis mort piqué par le scorpion parce que je tassais le sable, là. Man. Dans Temporel, là, je capotais. Je comprenais pas ce que vous parliez. Le jeu sur Vidéotron, j'ai de me rappeler du scorpion piqué. Souvenir. Okay, fait que ça, c'est comme aussi international. Tu te fais piquer par le scorpion, puis tu oublies ça. Là. Chaque fois que je vois un jeu avec des mots là, en dessous, là, comme votre jeu que vous jouez là, de Weird Stream. La suite à Maniac Mansion. Ça pourrait être très louche hein, quand tu y penses. Vous avez dit vous faites du Weird Streaming avec des tentacles dans la même. Ben, il y a vraiment quelqu'un qui m'a plugué en plus. C'est du hentai vous faites ou on fait du hentai? Ben, Chris, ça sonne de même. Il y a la fille qui s'habille en tentacule aussi, puis tu t'attends qu'il se pose la question. Ouais. Fan service. John Hancock qui fappait dans le coin que M. Tabarnak était bien enchanté ben, avec justement, lui. Justement, juste pour venir à Taparalingue rapidement. Non, mais je m'excuse, j'ai adoré ce jeu. L'as-tu fini? Oui, j'ai réussi à le finir pour la seule unique raison. Un des amis de mon frère qui est venu, puis on était bloqué à une place. Puis il nous a débloqué à quelque part. C'était après, le gars du quartier qui savait comment faire. Il y a comme une deuxième étape, pour le deuxième étage de la pyramide. Je n'étais pas capable de me rendre. J'étais juste tout en premier au premier. Tu peux-tu mentionner comme bon franco-ontarien de l'Ouest, élevé avec les Anglais sauvages. T'avais-tu ça, vidéo, toi? J'ai aucune idée de quoi vous parlez. OK, vidéo, là. Check ça. Il y avait Burger Time, il y avait Taupe. Oui, il y avait Taupe, là, t'avais un tracteur qui creusait dans le sol puis qui tirait trois fois. Oui, il y avait Styx. Tu te souviens-tu de ça? Oui, c'est vrai. C'était sous ton cable c'était box. C'était illico d'il y a 20 ans. Oui, il y a des jeux là-dessus. C'était mais c'était vraiment des grands coups de jeu. Interactif ouais. En plus. C'était vraiment cool. J'ai vraiment triste quand ils l'ont enlevé. Ah, la roulette VIP. Ben, ascenseur. Oui. Tu sais, ascenseur. Le soir, là, à 7h, là, tu t'installais devant ta TV, t'avais un genre un show ascenseur, là, que ça s'appelait. Hey. Puis c'était un gars, un animateur. Canal Magique. Ben, tout. Il est là. Il pose des questions. Ah non, mais ça a disparu. J'ai tellement été triste quand ma mère a dit faut qu'on change de boîte. De quoi s'appelle un transpondeur. Whatever. On change la boîte parce que ça se fait plus. J'étais tellement malheureuse. Dans mon lieu de travail, dire la boîte est illico. Ouais. Ben, hey, la fille de roulette VIP vidéo, m'a fait découvrir ma sexualité, je suis pas mal sûr. Moi, là. C'était comme le call TV de quand j'avais cet âge-là. Dans le temps, c'était ça. Puis c'est toi qui choisissais. Fait que tu payais, tu réponds. Il pose une question, t'as quatre choix. Tu réponds. Si tu l'as, tu montais. Si tu l'as pas, tu le descends. Puis c'est juste toi, man. C'était toi. Attends, il y avait aussi... Fuck le multiplayer. Le samedi matin, mais il y avait aussi le jeu. Un style d'émission, là, niaiseux d'enfant, exemple. Dans le temps, j'étais un enfant, mais là, j'y pense que c'était vraiment ridicule, l'émission. Mais genre, il arrêtait, puis comme, OK, quel dessin animé veux-tu voir? Puis oui, là, t'avais les marionnettes. Bill, une les marionnettes. Une Nowhere que tu connais pas. Tu c'était fucking puis hot, là, tu choisissais F1, F2, F3, F4, puis... À Star, on a Youpa. Ouais, mais t'as pas de choix. Non, mais c'est ça. Les chaînes qui sont t'écoutais, choisies. T'écoutais. C'est pas mal tout. Parce que moi, j'ai le nouveau Illico HD, là, des jeux. Non, ça n'a aucun rapport. Il y a des jeux. Il y a des jeux là-dessus. Ben, là. Ouais, je sais pas. Mais dans ce temps-là, je crois qu'il y a parce qu'il y avait beaucoup de consoles. Hein, on fait pas de jeux. T'avais comme console. Illico, je veux dire. T'avais juste comme console, t'avais NES en ce temps-là, Genesis. Wow. Il y avait le Master System, puis le NES. C'est pas comme aujourd'hui, là, mais c'était du vrai monde, comme, c'était ton choix de tes jeux. Il y avait une émission. TurboGrafx 16. J'avoue, Burger Time, c'était Burger Time était... T'as le meilleur jeu. Sticks, Taupe. Tu te souviens-tu, il y avait même un moment donné le club de genre, tu finissais Sticks super bon, là, puis t'avais plein de points, là, puis il disait... le club des gamers ou quelque chose de même, puis tu t'inscrivais au téléphone, puis tu rentrais tes codes. Tu parlais à Bernard Delorme? Non, de survie. Il y avait... Vidéotron, là, la vidéo, je veux dire. Oh, ouais. Il y avait ce que je sais, c'est qu'en ce moment, je veux dire à Rogers, Canada, en Ontario, fuck allez you. Chier. Non, c'était vraiment cool. Mais écoute, on est réputé pour avoir du fun au Québec. Il y avait même une émission. Mais cela dit, j'écoutais Fox Cartoons le matin. Ouais, ça, par exemple, ça, je vais t'envoyer de faire foot, par exemple, parce que ça, je... Il y avait aussi une émission à Canal Magique. C'est ça, Canal Magique? Ça s'appelait comme c'était ça. C'était Canal Magique. Canal Interactif. Canal Interactif. Interactif, ça s'appelait. Il n'y avait pas comme genre... T'avais juste appuyé sur F1, ça s'appelait... Non, juste Interactif. Puis t'avais une émission pour enfants que... C'était comme à des marins qui jouaient un ben à la fin, puis tu fais changer les angles de caméra. Et là, tu passais là, prenais pour un post-prod, merde, de fou. En passant, j'attends encore pour les angles de caméra à changer sur les DVD de porn qu'on nous avait promis. Non, à la place, ils nous ont donné du HD. DVD tout court, je te dirais, ou presque. Là, il y a 15 ans, ils te vendaient ça. Là. C'était juste PS. Jurassic Park, je vais voir le tyrannosaure qui vient. Là. J'ai Fast and Furious, Tokyo Drift en HD DVD, puis il y a des angles... partout dans le film. Ça arrive aussi. Partout, ça peut être cool parce que pour le fan, ça te donne une option. Mais moi, je me souviens des fois, là, il y avait des... Tu sais, c'était tellement rare. Puis c'est pas tous les films qui te le disent. Que tu y penses pas, dans le fond. C'est ça, tu... Ou bien quand tu le sais puis qu'ils te le disent, mais ta manette, t'es comme, si faut que tu te réveilles, tu sais, puis que t'ailles chercher ta manette, tu sur le divan, si j'ai manqué ma shot, ça dure juste 4 secondes. Fait que dans le fond, ce que tu voulais dire, c'est qu'on a streamé des jeux, on commence à faire ça. Ouais, je savais pas que DOA, c'était si à... Ah, c'était malade! C'est à cause des mots dans le jeu de Day of the Tentacle, ça me fait tout le temps... À toutes les fois que je vois un jeu de mots, ça me fait... Je pense qu'il y a juste nous autres qui peut déraper de même, par exemple. Ouais, vraiment. Ça vaut la peine de parler de temporel. Pensez-vous sérieusement que temporel, il serait retrouvable sur Internet? Hey, la personne qui est capable de nous trouver temporel et nous dire où jouer... Je veux le découvrir. On l'invite? La personne qui nous trouve temporel, on l'invite? On l'invite pour payer une brosse. Via Skype. Y a-t-il un ROM de temporel? Un ROM de temporel serait malade. Sérieux, parce que j'ai réussi à le finir juste avant qu'il l'enlève. J'étais tellement contente. Voulez-vous savoir la fin? Non, je ne vous dirai pas. Je ne l'ai pas fini. Je l'ai fini. Honnêtement, au début, il était pas ça. Je cachais pas. Je m'en souvenais pas qu'il a dit. Pas qu'il a débloqué là. Non, c'est scorpion qui pique. Je me suis envie de piquer par ce petit scorpion là de merde. Quand il a dit ça, ça a ramené, man. Ce qui est bon, c'est que pour vous mettre en contexte, la seule façon de se faire piquer par le scorpion, c'était de marcher vers le tas de sable puis de le tasser. Le scorpion nous piquait. Il y avait deux étapes. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on s'est fait tuer par ce scorpion là, on n'était pas capable de se rappeler de deux étapes. Ouais, vraiment. Marche vers le sable, tasse le sable, scorpion de pique. Joue un peu, une demi-heure après, ouais, hey, j'ai-tu essayé de tasser le sable, moi? Ouais, c'est ça. Scorpion de pique, rage quit. C'était ouais. aussi simple que ça. Vraiment. Vous exit puis t'allais à YTV. Wow, c'était pas aussi vite juste que ça. Juste sortir de la première salle au début dans le temps, là. Ah, c'était dur. Quand tu sais pas, quand tu sais pas, t'es là, il y a plein de mots. Je ne sais pas quoi faire. Puis là, à un moment donné, tu caches. C'est vraiment précis, là. À tasser dans le coin avec les bons mots. Ouais, c'est vraiment précis. Ah, puis là, tu te pousses dans la première chambre. Là, après, t'arrives dans la première pièce, il y a plein d'affaires partout. Tu sais, il y avait pas des walkthrough sur Internet de temporel. Ouais, c'est quasiment tu voulais avancer, t'étais pogné, fuck that, va chier, mange la merde. Vidéo, oui, t'es comme... Honnêtement. En fait, il n'y avait pas d'Internet, je pense. Non, il n'y avait pas encore, c'est vrai. C'était aussi simple. C'est vrai, t'avais pas encore. C'était le cas où c'était tout intégré dans ma chine. Non, mais tu sais, comme, tu sais, pour te dire que la seule façon que j'ai réussi à passer au deuxième étage de la pyramide, c'est parce qu'un ami de mon frère qui est arrivé et dit « Ah, j'ai détrouvé. » Imagine-tu comment que lui il a bûché comme un estimant pour trouver ça? Parce qu'honnêtement, on a tout fait qu'on a vu, on a fait. Il t'a pas dit, dans le fond, qu'il a acheté une copie de feuille à quelqu'un, genre 5$ à l'école? Ah, peut-être. Non, dans ce temps-là, t'as acheté des dial-up à 5$ à l'école. Ouais, c'est vrai. Ouais. Merci Nintendo. Ouais, fait des Nintendo Power. Wow, vous avez vraiment ramené un souvenir intense. Tous, oui, on a streamé comme qu'on fait ce soir un peu avec l'émission. C'est pas mal tripante. Puis juste, parenthèse, I guess, j'ai fait plein de choses intéressantes. Mais j'ai vu, moi j'ai vu le Man of the Iron Fist. Ah, t'es allé le voir? J'aimerais dire que, comme fan de films de Kung Fu, ça le respecte bien. RZA, par exemple, c'est jamais été. Tu l'as vu ou tu non. L'as vu? Ah, il l'a vu, je pense qu'il dit. Tu l'as vu déjà. Il est sorti, je pensais que c'était cette semaine. C'était vendredi. C'était le 2 à ma fête, le 2 novembre. Hey, c'est vrai, c'était ta fête. Un beau cadeau de fête. Wreck-It Ralph ou Man with the Iron Fist. Man with the Iron Fist. Man with the Iron Fist. Surtout pour ta fête, là. Moi, je vais aller voir l'autre. Avec Jack Daniel dans la poche, Hushlag Style. Hushlag Style. Eric Hébert. Ouais, j'avoue, sans ça, t'aurais eu comme un compte 45. C'est ça. Une canne de Laurentienne. Mais très, très, très bon film. Pense Afro Samurai, style un peu. Ah, nice. C'est sûr que c'est bon. En tout cas, c'est sûr, il faut l'écouter. Non, mais il est cool, puis il respecte au bout, mais tu vois que c'est fait par un dude de Wu-Tang Clan. Ouais. C'est quasiment comme toute sa carrière, toute sa vie, sa montée pour ça. Le moment épique depuis qu'il sa écoutait carrière. Des films de Kung Fu avec sa gang là, de Redman, tous eux autres là, dans le Bronx, là, puis il écoutait ses films de Kung Fu, puis finalement il a été un héros. Il a quand même basé sa carrière là-dessus. Mais c'était pas eux autres qui avaient fait à un moment donné une émission où ils faisaient du dubbing de vieux films de Kung Fu. Ben, a... Chris, c'était pas bon. C'était pas lui tout seul. Non, ça c'était la gang. C'est quoi le nom? Il y avait quasiment déjà? Pas de monde de Wu-Tang là-dedans. Là. Il y avait genre un RZA qui a fait une couple d'épisodes. Rap, Wu-Tang, quelqu'un. Une bonne référence de Wu-Tang pendant qu'on y parle, là, c'est leur jeu de combat qui ont sorti au PS. Oui. En fait, aussi, je sais pas si vous vous rappelez, là, le nom il me revient pas, là, mais il y avait un jeu de combat qui était vu là, comme étant le jeu de plus Def Jam? Non, ok. Killer Instinct? Def Jam, mais il y avait un jeu de combat qui était supposé de sortir qui était un jeu de combat vraiment violent. Cage Fighter. Puis il n'a jamais sorti. Pit Fighter. Il a juste leaké, genre tu pouvais le télécharger en ligne. Puis il y avait la version bêta unreleased. Puis tu sais, c'était genre de jeu, un fighter 3D, là, où que tu pouvais genre torturer quelqu'un, tu avais un bâton, tu crissais ça dans le cul. Puis tu pouvais vraiment tuer les gens. Puis le jeu n'a pas été releasé. Fait qu'ils ont juste reskinné ça comme un jeu de combat de Wu-Tang. Malade. Ben, c'est hot. On est déconcentré avec les chats, les gars. Ben, juste un petit peu. Là. Mais moi, j'ai. Ben, c'est sûr, on est interagé avec le monde. On est fou comme cool. La merde. J'ai des bons films. Je me suis préparé cette semaine. Chauffe-nous ça. J'ai eu un guilt trip. Enfin, je me suis dit, cette semaine, je vais prendre mes choses au sérieux et je vais me préparer. Bon, j'ai deux choses à vous parler. J'ai une petite affaire très rapide et l'autre. Plus longue. Alors, j'ai la triste nouvelle à vous annoncer. Marty est mort. Marty? Savez-vous qui est Marty? Non. Marty? Pas McFly. C'est le là. Chat... Non, non. OK. Le chat c'est le chat qui a été inspiré pour faire Nyan Cat. Il est mort. Oui, j'ai vu ça. Il est mort pour de vrai. Moi, je pensais que c'était une joke. Il est mort du infectious peritonitis. Mais c'est pas l'esti de choc. L'infection. Pop-tarts, man. Non, mais j'ai vu une photo vraiment laide de Nyan Cat où c'est vraiment comme un corps de choc. Ah, ouais. Il y en a une qui est dégueulasse. Ouais. C'est genre des morceaux de choc à bouter ensemble. Que c'est, non. Ça m'a levé le cœur un peu. Non, pas ça du tout. Mais ça, c'est très ça. Le vrai Nyan Cat, l'auteur de ça, qui s'est inspiré de son chat pour faire la vidéo de Nyan Cat. Il est mort la semaine passée. Il ressemble pas tant que ça. Mais il est gris, tu sais. Fait qu'il y a pas de Pop-Tart, tu sais. Ouais, j'ai vu sur Reddit, il y a pas de Pop-Tart, tu sais, la face d'un chat cartoon. Je vais faire une joke plate de... Garde-toi. Ça y a donné quand même à ce monsieur-là, annoncer cette nouvelle-là, le Chris. Je suis sûr que ça y a donné bien du karma. Je le loue. Du karma, méchant. Du Reddit karma, come on. Ah, de même, ouais. Parce qu'Eric creuse sur Internet. Il va dans les bas-fonds d'Internet. C'est vraiment. Reddit, j'ai essayé de comprendre. Mais il faut dire, je viens d'embarquer sur Twitter et je viens de comprendre comment ça marche. Mais Reddit, j'étais là-dessus puis j'étais comme, c'est quoi ça? C'est du texte. Puis, sont où les affaires drôles? Ouais. Ben, tu cliques dans catégorie funny, ça l'aide en partant, là. Il y a des subreddits, là, que, gars, tu sais pas que. Quand j'étais dans l'onglet Soviet porn, j'étais pas à bonne place. Non, ben, ça dépend. Peut-être que oui, peut-être que non, juste toi qui le sais. Mais tu peux aller bien plus deep que ça sur Reddit, open à tout le monde. Un petit peu plus contrôlé, ou Meatspin. Ou Meatspin.com x 1000. Meatspin.com x 1000. Over 9000. Ah, 4chan. Moi, j'aime 4chan. Ouais, 4chan, t'as un personnage quand même que tu dois garder avec du karma. Puis tu dois, comme tu sais, t'es connu. Puis tu veux être connu. Tandis que 4chan, je pense que n'importe qui peut... 4chan, c'est plus anonyme 4chan, parce que quand t'es rendu... Mais en tout cas, il y a des sections. Moi, il y a des sections que je vois pas. Exemple, le chat, pornographie dans les sections comme ça. Ça je vois tu vois pas là-dedans, toi? Non. Ben non. Hein. Ça me turn pas on, mettons. Mais je vais dans la section B. C'est là que tu peux avoir plusieurs, mais des fois, dans la section B, tu vas trouver des affaires Attends, tu vas pas dans la porn, mais tu vas dans la beast. Dans B. Ah, oh, B. OK, j'ai compris dans Beast. B, c'est le Reddit. T'as-tu vu, là? B, c'est le bas-fond d'Internet. Okay. On va rapprocher le pop filter. Excusez. Ce que je sais, c'est quand là, il a pensé tout de suite à Beastie. Non, mais écoute, Beast. Là, j'étais comme... Non, parce que B, elle aime, c'est le random de 4chan. Elle aime pas les enfants, mais elle aime les animaux. Les pays niaiseries là-dessus. Elle aime pas les betteraves tant que ça. Quand la caméra ferme, je sais pas ça. Ouais, non, ça continue à record. Mais en fait, moi, je l'ai mis sur pause. Mais bref, c'est tout ça pour revenir au sujet que il est mort. Nyan Cat est mort. C'est vraiment triste. C'est triste. Ouais, je trouve que c'est important de souligner dans un. C'est quand même un phénomène. Pas mal de choses. Il est romantique un peu, puis juste avouer qu'il va vivre pour toujours. Oh, ben, okay, moi, je pense, qu'est-ce qu'on va faire? Il va être immortalisé pour toujours avec sa petite Pop-Tart et son arc-en-ciel. On va faire un moment de silence pour Nyan Cat. OK. OK. C'est j'aurais mieux qu'on cheers pour Nyan Cat. Ah, on va cheers. Ouais, c'est vrai. Cheers, Nyan Cat. Rest in peace, bro. Il y a eu une belle vie. Il vit pour toujours. Moi, je pense, en tout cas. Ouais, rip. Un moment donné, tu peux pas mourir sur Internet. Magic. Ça va ressortir dans 20 ans, le monde va faire wow. Tu connais Magic? Magic de Gary? Non, Magic, mon chat noir, s'est fait fesser par un chat le temps passé. Je savais pas. Il n'y a pas de Pop-Tart. Tu veux-tu qu'on fasse un cheers Magic, man? Cheers Magic. Cheers Magic. Je le connais, ça. Rest in peace, Magic. Cheers. Pour toutes les chats qui nous ont 10 ans de malheur. Excuse-moi. En tout cas, moi, j'aurais les yeux pour vous dire, là. J'ai ma deuxième nouvelle. Ouais, c'est quoi ta deuxième nouvelle? C'est 18 ans et plus. Oh, ok. Ben écoute, donc... on a plugué mes spins 3 fois ou 4 fois depuis le début, 5 fois incluant celle-là. Fait que dans le fond. Fait que j'ai envoyé le link à Milda, je vais vous le faire écouter. Premièrement, je vais juste vous parler, je vais vous dire un nom et je veux que vous reteniez ce nom. Je vais essayer de le prononcer du mieux que je peux parce que c'est en russe. Oh, c'est en russe? Ben, Alexander Pistoletov. Ok, attends une minute. Alex. J'ai la ligne ici. Pistoletov. C'est-tu le gars qui fait la toune de Mortal Kombat tout nu avec un saran wrap sur la graine? Je pense pas, mais ça. Ok. Dans le même genre. Dans le même. Dans le même. Dans B, c'est mais non. C'est Nick qui m'a droppé ça sur mon wall de Facebook cette semaine. J'arrive chez nous, je vois ça, je fais. Je veux que. Oh boy. Il vient de crier. Il crie yes sur le chat. Ok, donc j'ai envoyé le link à Milter si vous voulez vous rapprocher vers le laptop de Milter juste pour voir la vidéo. J'ai l'autre stream en plus en même temps, fait que ça reste. Ouais, attends, je le parle sur mon laptop, mais sur mon phone, mais. Ton iPhone est plus fort que mon petit probablement, j'en ai un pareil, puis je te dirais que oui. Donc, j'ai pas de. Surtout quand je live, si je regarde le live stream, là, ça aide pas. Attends, là. Ouais, mais tu, au pire, tu peux le mettre, tu poses le live stream, ouais, puis juste garder le chat. Pas grave. Attends. Ok, non, je sais où aller. Je sais où aller. Un instant. Ok, ben. C'est pas long, 30 secondes. Ici, je l'ai. C'est long. Je l'ai. Tu l'as? Ok, t'as peur. Je m'en allais, là. Juste voir si le winding est reparti. Donc. On est safe. Je voudrais remercier mon ami Gérard Laframboise, ou Sadi pour les intimes, de m'avoir fait découvrir cette Sadie merveille. Sadi comme la chanteuse? Sadi. Elle est pas trop ligne. Sadi. Comment tu prononces ça? J'ai jamais su Sadi. S-A-2-D-Y. OK, tu peux travailler 15 ans pour ça que j'ai jamais su comment prononcer ce nom-là. Qu'est-ce que c'est ça? OK, les gars, venez. Eric, faut que tu viennes. Tu vois? Mais on paye maintenant en angle de même. OK, ben il faut que vous soyez proche ou que vous voyez. Ah oui, on le voit, là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un pirate? C'est le gars qui fait Mortal Kombat! c'est vraiment lui! On va poster le lien sur Facebook, là. C'est vraiment le gars qui fait fucking Mortal Kombat! Attendez que ça parte, là. C'est ça, Jeff? Il y a du saran wrap sur la graine? Non, il n'y a pas de saran wrap pour celle-là. Ah! Oh. Elle est censurée, c'est pas du saran wrap. Attendez. Je pense... Vous attendez sa part, là. Question de même, pourquoi ton ami t'envoie des affaires dans la parce qu'il trouve des affaires tellement fuckées sur Internet. Affaires fuckées, là, le gars, il s'est donné du trouble en post-prod, là. Il a fait ça devant un green screen, là. Nous autres, on s'ajoute pas de green screen, le gars, habillé en pirate. Il commence, là. Oh non! Ok, on est sur le thème de green screen aujourd'hui. Mais moi, ce qui me fait rire avec ça, là, c'est que, tu sais... Donc, c'est un pirate. C'est lui, dans son pays, c'est une porn star russe, je crois. Ben, et donc, lui, ce qu'il aime faire, c'est se faire soigner sa graine devant des films de pirates. Mais c'est lui dans la vidéo de Mortal Kombat en passant. Je savais pas que c'est lui. C'est vraiment lui. C'est pour ça que j'ai resté surpris. Oh, que j'ai des surprises fuckées cette semaine. Donc, moi, c'est ma découverte de la semaine. Ça m'a fait très, très rire. Ben, il y en a plusieurs, si vous regardez sur YouTube. En fait, c'est un des seules vidéos que YouTube a, au début, il l'a effacé. On dit, bon, il y a une graine. Non. Fait que là, le monde s'est plaint. Ah, oh, comment? Puis là, YouTube l'a regardé aussi et ils ont trouvé ça très, très drôle. Ils ont fait, you know what? Fan service, on le remet 18 ans et plus. Ça va être la seule graine tolérée sur YouTube. Mais pendant qu'on est des porn stars, puis t'inquiète, moi, je voulais parler de l'ouragan Sandy cette semaine. Là, vous me dites pourquoi l'ouragan Sandy? Ou si tu t'en vas avec tes skis. Ben, ou le lien avec le porn graine, star gay? Porn star. Ben, regarde, écoute. Tu utilises un porn star gay ou la juste gars? Du meat spin qui fait penser à non, en fait, ben écoute, on pourrait. Ben, je veux savoir, c'était-tu un porn star gay? Je sais pas si c'est gay, il faudrait regarder. Non, non, ce gars-là. Il y a une autre vidéo, en fait, que je pourrais vous montrer. Oui, ben, c'est pas obligé. Je vais vous montrer plus tard, mais il y a comme un peu de cul de fille en arrière, puis lui, il zing sur l'image, il chante. Non, mais c'est parce que où je voulais en venir avec Sandy, c'est que j'ai réalisé cette semaine, l'ouragan Sandy est arrivé, puis là, ça a dévasté plein d'affaires, puis là, il y avait des photos de monde qui sauvaient des chats, puis des chiens, puis là, il y a eu, tu sais, de l'altruisme aussi. Moi, je peux dire que j'ai joué à World of Warcraft pendant que ça a passé. Ben, tu sais, tu joues à World of Warcraft, t'as eu un paquet de monde, tu sais, j'ai vu une photo que j'ai trouvé vraiment cool, tu sais, le gars, il avait plugué sa power bar, puis il disait, tu sais, tout le monde a rechargé vos laptops, vos cellulaires. Ouais, ça, c'est vraiment un bel acte. Moi j'ai du vécu un peu différent avec ça, c'est que dans ma routine des internets quotidiennes, j'ai réalisé pendant l'ouragan Sandy que plusieurs sites étaient hébergés à New York. Donc, côte à coup, Lifehacker et Brazzers.com, qui étaient offline pendant Sandy. Fait qu'à ce moment-là, j'avais pas de Brazzers, j'avais pas de côte à coup pis de Lifehacker. Ma semaine était vraiment courte sur Internet, finalement. YouPorn, c'est ça, je veux dire. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme, c'est là que tu réalises plein d'affaires. Attends, il va prendre une gorgée. C'est juste le même réseau, Mel. Pornhub, YouPorn. Mais j'ai l'impression que Pornhub a la meilleure search engine dessus. Ou PornMD. Attends peu, là. Pornhub, meilleur. Pour vrai? Meilleur search. Je trouve que c'est mieux classifié, puis il y a mieux. Ouais, mais c'est bizarre parce que. Mais écoutez, YouPorn, sur YouPorn, ça sur Pornhub, je trouve que tu ne trouves pas les mêmes films. Mais dans ce cas-là, tu vas sur PornMD, puis tu peux chercher tout ça. Les deux ensemble mergés. Y a-tu juste moi, mettons qu'en matière de pornographie, j'aime mieux laisser ça à des professionnels versus aller sur des sites où. T'es entouré de professionnels, je peux te dire. Ouais. Ils parlent des professionnels. Non, mais des professionnels de l'industrie, là. Tu sais pas. Toi, t'achètes des DVD. Non, non. Ben non, ben non. Hey, quand j'ai des previews de 50 secondes sur Internet, on s'entend-tu? Donc, là, le film Pirates, t'as vraiment aimé ça? Non, le pire, c'est que je l'ai acheté pour vrai, c'est moi. Hein? Non, non, mais écoute. Ah, lui, il veut juste nous avouer qu'il paye pour l'Internet porn. Non, mais Pirates, je l'ai acheté parce que sur le DVD, t'as une version avec porn, puis t'as une version sans porn. Ah ouais? Ouais, j'ai entendu dire pas ça. Puis le pire, c'est que, hey, c'est un film de genre 2 heures et quelques avec une histoire puis tout le kit. C'est le film le plus cher, je pense. Ouais, c'est qui le plus cher à produire. Ouais, ouais. Mais ça, ouais. Moi, c'est ce Music Storm qui me dit, hey, on va écouter un film. OK. On s'assied, il sort le film. Avec ou sans porn? Avec le porn, okay. Mais au début. Attends, il a-tu sorti une couverte? Non! On va écouter un film, sort la petite couverte. Même pas besoin. Next thing you know, tu vas aux toilettes puis il n'y a plus de culotte. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, on commence c'était à l'écouter, pas mon move. Tranquille. J'avais chaud. Tu sais, tu te dis, c'est quoi cette petite femme de. C'est quoi ce film de marde? C'est comme c'est produit de marde, tu sais. C'est actrice de marde, acteur de marde. Excusez. Puis je suis comme, OK. Puis d'un coup, je vois que les filles commencent à se. Tu sais, les filles commencent à se battre dans le lit, puis ils commencent à s'arracher leur linge. Oh, un instant, là. C'est quoi ce petit film-là? C'est un film de cul! Là, ça continue, puis tout ça, puis j'ai. OK, mais pour un film, ça a été crissement mal produit, mais pour un film de cul, c'est crissement bien produit. T'as-tu couché avec? Bon, le oui, ça fourme pas. Vraiment, bon, okay, ça, bon. Ça a marché. Challenge accepté. Lui, il s'est dit, watch bien ça, je suis capable de faire écouter un film de cul sans qu'elle sache, puis ça va être correct. Mais il y a des bons, il y a pas un Star Wars aussi, porn. Bon, ouais, il y en a plein. Il y a Dragon Ball en porn. Star Wars Born de Vivid, là, il est vraiment bon. J'ai même pas vu encore, mais c'est Star Wars, il va falloir que je l'écoute. T'as pas le choix. Mon deuxième point, là, vous allez dire, porn. Non, ben, écoute, je passe de Sandy, je m'en vais. En passant, on peut dire c'est un bon nom d'actrice porn. Ça de même. Sandy Baby. Ouais. Ben, tu sais, quand t'entends un paquet d'anglophones dire Sandy's gonna blow us away. Go for it. T'avais un paquet d'Américains qui n'avaient pas catché les nouvelles, qui étaient en plein milieu de la rue, les culottes aux genoux, puis qui attendaient. <T'es content>. Avec des têtes de cheval. Puis juste pour ouais. Sur le sujet de Sandy, là, c'était je trouve, là, de tous les ouragans que j'ai vus dans longtemps, c'était du. J'adore quand les ouragans fessent New Jersey, moi. C'est quoi, t'aimes pas les Américains italiens non, ou? Non, ça fait tellement des bonnes. Tu sais, t'as toujours le journaliste ou le reporter qui est là, pis comme there's wind and there's the waves are crashing, pis là, ils sont tous dedans, pis là, d'un coup, t'as le gros italien qui sort, là, pis qui est là, t'as le marché bien normal, ouais. Aren't you aware that there's a hurricane going on? I was born in a hurricane, babe! Pendant ce temps-là, t'as le Japon qui fait bitch please. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais t'as ou Cuba qui dit bitch please. Les autres, tout le long, en tout cas, pour moi, il faisait beau, mais ça me tient. Eh ouais. Il y avait un petit peu de vent, puis un petit peu de pluie, puis c'était correct, tu sais. Hey, j'ai manqué de l'électricité cette soirée-là. Pas moi, pas en tout. Ouais. Oui, il faisait beau. J'étais en short. Moi, je reste dans un sous-sol. Pas de chauffage, bien de l'humidité, pas de lumière. Tu sais, le. T'arrives chez vous pis t'as comme 10% de batterie sur ton sel, tu te sers de flashlight pour pas te péter le petit orteil, tu te couches pis t'as pas sorti tes couvertes de laine à rien. Fait que, m'a te dire de quoi, là? C'était chier m'endormir cette soirée-là. C'est normal. Ouais, premier soir, la soirée qui dit, là, demain, tu sors tes affaires. Ouais. Sortir la couverte à flanellette le lendemain pis... Mm-hmm. Bah, moi, il a fait beau, j'étais bien. Non, ça moi, va, ça a fouetté chez nous, man. Me dire le vent. Là. Ben écoute. J'entends mon chien, t'es comme. Il fallait pas ça. Protégé de Sandy. Disons que c'était cool. Comme je t'ai dit, j'ai rien senti. Vu. L'autre affaire que j'ai bien aimé cette semaine, Halo 4. Que j'ai pas essayé encore. J'ai pas joué pas tout. Non plus, pas tout. Écoute, ça, là, changement de studio, puis là, le monde, c'est plus Bungie, c'est 343. Ah non, c'est plus Bungie. Ils ont vraiment livré à marchandise. Je savais même pas. Moi non plus, j'avais pas. Mais 343, là, c'est à peu près, c'est comme 50% des employés de Bungie qui ont décidé de rester chez Microsoft. Okay, c'était en bonne main. Ils ont pas fucké le chien avec leur brand Halo. Vraiment bien. Les fans étaient. C'est juste bizarre, me semble. Mais en plus, je pense que c'est plus une suite à 3, tandis que le Reach. C'était quelque chose de différent. Reach, c'était un prequel. Halo 4 non, est vraiment... Non, mais aussi le gameplay puis l'enlève était différent sur Reach. Puis c'était Bungie qui disait, regarde, c'est quelque chose de différent. Ouais. Montrer qu'on peut faire d'autres choses aussi. Puis le fait qu'ils ont fait ça, ben la vraie suite au 3, ça a permis d'être... Les gens juste jouer au 3. Ok, oui, comme le 3. Hein. Mais les gens qui pensent jouer à Halo 4, par exemple, je vais vous encourager fortement. Il y a une mini-série sur le web qui s'appelle Forward on the Down. 5 épisodes de 15 minutes. C'est du live action. Honnêtement, là... C'est vraiment bien. Le acting était bon, puis ils ont été super respectueux de l'histoire, les choses comme ça. J'ai vraiment adoré. Fait que tu sais, c'est sûr que t'as eu bien les fans qui étaient comme « Ah, c'est pourri, les critiques sont faites acheter, nanana. » Regarde, le jeu, il est bon. Il est bon, puis c'est tout. Je peux dire à tous les haters là, que c'est peut-être 0.3% de le buying world. Ouais, ouais. Gaming, ouais, mais les haters, ils achètent rien. Drette ça. Mais il y a, deux affaires, moi, je veux savoir, puis j'ai jamais vraiment. Okay. J'ai juste joué à Halo 3, là, vraiment joué. Là, puis quand j'ai trippé, c'est le 4-player co-op. C'est encore ouais. là. Ça, ouais, il est ça, là. C'est ouais. ça. Si c'est là, ça, déjà, en partant, je vais tripper. Parce que le jeu en tant que tel, l'univers m'intéresse plus ou moins. Le 4-player depuis le trou de le 2. Mais... Non, le 3. Le co-op est à partir du 3. J'ai une petite question par rapport au 4-player. Playing, ouais. J'ai jamais été capable de tripper autant que j'ai trippé à GoldenEye 64. Ah, mais ça, c'était pas du co-op. Non, mais c'est compétitif entre amis, mais je te parle du 4 player en même temps. Là. J'ai jamais été capable de tripper autant avec ce jeu-là. Mais il y a différent de se tirer dessus, parce que c'était le fun, GoldenEye, puis c'est vraiment encore fun, puis c'est actuel, mais... C'était juste le côté des missions, d'être avec des amis, c'est faire ça. Des missions ouais. ensemble, attention à ta gauche, tu vas te faire tirer dessus, tu chauffes comme un Chris ouais. de pied, débarque ouais. du Warthog, puis je vais prendre le contrôle. J'ai crissé une estime mine là-bas, puis tout le monde le sait, mais quelqu'un va l'oublier un moment, ils vont sauter. Mais tu sais, j'ai fait Halo 3 à 4, là, du début à la fin, là, un shot bon, avec là. Des chums là, dans le temps, là, puis on était tout du monde qui jouait pas vraiment à des Halo avant, là, on jouait à des shooters, là, mais Halo, ça nous attirait pas, puis on l'a pris, parce que c'était le gros jeu, on s'est dit, on va l'essayer, toute la gang, d'une shot, on l'a fait, on a trippé, rien que pour ça, là, je donne des points, parce que c'est le premier, tu joues pas à Call of Duty, à 4, faire la mission, là, à moins qu'ils ont fait ça dans les derniers, puis je le sais pas, non, mais Black Ops, en tout cas, il y a pas de... Là, ouais, a... Mais le story, genre, là, qui est le main story que tu peux faire à un, ils le font jamais dans d'autres jeux, ou presque, ça, je trouve Gears ça intéressant. Gears of War, le 1, tu pouvais le faire 2. Dans le 2, tu peux faire 2, puis dans le 3, tu peux faire 4. Ok, ben ça, c'est cool juste pour ça. Puis l'autre affaire des jeux de même, en tout cas de Halo, que j'apprécie, puis je pense qu'ils ont rentré ça dans Call of Duty, c'est moi, je suis quelqu'un qui aime ça, filmer mes games de jeu. Le replay, là. Puis de faire une vidéo avec pour YouTube ou quelque chose de même. Fait que justement, il enregistre tes games, puis tu peux aller changer la caméra, voir chaque kill, chaque de l'angle que tu veux. Ça, c'est hallucinant pour ça. Ouais, mais c'est là, c'est même pas, c'est peu importe ta game, c'est, tu peux aller, tu sais, le mode de caméra, puis juste pour ça, je leur levais mon chapeau, là, c'est comme, waouh, tu peux faire tellement d'affaires intéressantes, là, puis... Ben, même le mode forge, en plus, là, que tu pourrais créer tes maps, les affaires de même. Il y en a qui exagèrent, qui font des maps de fou, puis il y en a qui font des maps écœurantes à jouer, là, puis je trouvais ça bien le fun pendant un bout, là, j'ai joué aux trois. J'ai pas joué aux autres après Reach puis je sais pas quoi. Là, Reach vaut la peine aussi. Au pire, je te le passerai si tu veux le faire. Là, il est vraiment cool. Ouais, je viens de me le réacheter là, juste pour embarquer. J'avais pogné le Collector's Edition en liquidation à genre 29,99 flambant neuf d'un magasin. Là. Dans un magasin? Ouais. Toi, ta semaine, oui, t'es-tu allé aux courgettes? T'es-tu... Non, je suis pas allé cueillir de fruits. Il n'y a pas de fruits, il n'y a plus rien, là. C'est fini, ça? Ça fait frette, il n'y a plus, là. j'ai acheté un casseau de fraises, genre, au GA. Oh chose boy! Mais, et un boy, t'es gâté? Probablement. Mais non, je suis allé à une fête d'enfants. Dimanche. Ah, l'orange bleu. À l'orange bleu à Repentigny. Puis, gars, j'adore la place. J'ai aucunement. Je vais pas me bitcher, même s'il y a un petit bout qui va avoir de la niaiseur, là, que je vais dire. Là. Mais c'est super cool pour les enfants. Moi, tu sais, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, c'est une genre de grosse place comme un. Jungle Aventure, là. Jungle Aventure, ouais. Funtropolis. Là. C'est ça, Funtropolis? Funopolis. Ouais. Une place qui a des grosses glissades en plastique, puis des boules de plastique, les enfants se garochent dedans. Le Mumba puis... de Laval? Ça, c'est oui. quand t'es plus vieux. Des grosses boules. Des grosses boules de plastique. Yes. Moi, justement, je suis chanceux, vu que j'ai un enfant en bas âge, je peux aller dans les jeux avec lui puis faire les glissades. Puis, tu me passes-tu ton kid? C'est cool. Sérieux, moi aussi, je le veux. Il est beau en plus, puis il est tout fashion avec ses petits chandails Volcom. J'avoue que de ne pas être un enfant, ça te permet de faire ça sans que ça soit la weird. On s'entend-tu? Il dit rien, il y a 2 ans et demi, faut que je le suive, là, il monte dans des grosses affaires. Là, dans faut que je le suive. Hey, on s'entend-tu, moi? Jeunesse, jungle aventure, là, c'était comme, on sort chez jungle aventure. Oh, tiens-toi yeah. tranquille. Tu dis plus rien. Je disais pas un nasty de mot, j'étais assis à terre, ça bougeait plus. Dans ah, c'était carré. Puis il me renait, là, j'avais de la misère les, à suivre. Les nids de boules comme ça, je m'en rappelle aller au... il y avait un Steinberg quand j'étais kid. Oh my god. Steinberg. Attends, au Steinberg. Ah. Ouais, je m'excuse, Steinberg, qu'est-ce que tu veux, là? Mais non, pourquoi ça a fermé, ça? C'était bien. Ouais. C'est l'Ablos qu'ils ont acheté. Là. Mais je me souviens pas des nids de boules. Mais il y en avait un qui... peut-être à côté. Ma mère, elle allait faire son épicerie, elle me dompait dans ce parc-là, puis... Déjà, rien dans 30 minutes. C'est ça. Fais-toi pas, fais pas niaiserie. Je connais pas, puis c'est vrai, ça. Ah, oh, ouais. Puis, ben, en tout cas, là-bas, dans le fond, il y a une petite section arcade, mais tu sais, une genre d'arcade comme 10 machines, même pas, là. Puis c'est tout des petits jeux de char happy, puis des affaires là-même. Sauf une machine qui est Primal Rage. Oh fuck, attends, il y a des arcades là-bas? Pas, ouais, il y a une couple d'arcades. Oh. Pas beaucoup, pas beaucoup, là. Il y a, comme je dis, là, même pas 10 machines, là. Oh, mais il y a Primal Rage. Hey, Primal Rage. Je commençais à jouer, tu sais, c'est cool, là, pareil, parce que c'est comme, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est comme Mortal Kombat mélangé avec Jurassic Park, là. Stop motion, puis, ben, pas, c'était quand même cool, là, puis tout. Puis dans le fond, c'est des dinosaures qui se battent, puis que tu peux leur arracher le cœur, puis des affaires de main. Je sais pas. Ouais, je, ça, j'ai pas remarqué. J'ai pas fait de recherche là-dessus. En tant qu'Atari était. Ben, à la fin, c'est un peu la fin des jours d'Atari en arcade, mais. Ouais, il y a ça, là. Mais en tout cas, c'était cool. T'as mis combien dans la machine? Un petit peu plus que 10$. Mais... Attends, c'était quoi, 25 cents de la game? Ouais. Wow! Ah, ouais. 25 cents? Pas cher, hein? Hey, c'est pas cher, en plus, là. Non, non, non, faut que t'ailles chercher les jetons, là. C'est OK, mais c'est un jeton, jeton par game? À peu près, là. Ben, au début, c'est 50 cents. C'est 10$ la game? Non, c'est 50 cents au début, puis après, 25 cents. Pour continuer? Ouais, chose de mal. Ah, en tout cas, parce que moi, c'est ça, moi, j'ai trouvé des arcades qui est le classique quarter, là. Moi, ça me... Moi, c'est malade. Ben, eux autres, c'est parce qu'ils veulent te vendre des jetons, parce que les jetons sont bons pour plein d'autres machines qu'il y a dans la place. Mais l'affaire, c'est que je suis en train de jouer. Puis là, en même temps, ça me fait penser à un épisode de Rétro Nouveau que j'ai écouté qui parlait des ratings de jeux dernièrement, puis ces affaires-là. C'était le dernier épisode. Mais ben, ouais, mais je suis à l'orange bleu, man. Ah, j'avoue, revais, t'arraches un cœur, puis... Mais t'es à l'orange bleu en 2012. Ben oui, mais je me reviens, puis il y a comme trois kids de 4 ans qui mangent un cornet puis un hot dog, genre, à côté, puis qui me regardaient jouer. Puis... Exactement. Fait que là, j'étais comme, ouais, c'est qui a dit, hey, Primal Rage, ça serait bon pour notre... Tu sais, il y a eu un deal, ces machines, au pays, il y a personne qui a jamais rien dit, genre, t'es un jeu de dinosaures qui s'égorge. Puis qui mange du monde. Nous, on entend le papa Milter qui parle. Non, ben, mais on s'entend que ça, sa machine. Fou, j'adore ces gars, j'ai passé plein d'argent dedans, là. Je dis pas ça, mais c'est pendant que je jouais, j'étais Chris. C'est qui a rentré ça ici? J'étais à l'orange bleu, là. C'est des enfants qui prennent des genoux, puis qui courent dans les balles, puis qui ben, mangent du gâteau avec des chocs. Le gars qui a porté Primal Rage à l'orange bleu, chapeau. Oh, big up, là, oui, le gars, c'était écœurant, mais je sais pas, t'aurais pu la mettre au 2,22, ou je sais pas, tu sais, quelque part. 2,22, là. Je sais pas de quel bar serait plus hot avec Primal Rage dedans qu'à l'orange bleu. Mais il y a un bar qui est cool à Montréal, justement, c'est le Nacho Libre, qui est sur Beaubien, je pense. Ouais, Beaubien. C'est cool, c'est pas super prétentieux, puis il y a un Super Nintendo, un Genesis, puis un Nintendo 64. Moi, j'avais fêté ma fête l'année passée, là-bas. Puis honnêtement, c'est juste cool. Tu te packes la fraise, puis tu fais des courses de Mario Kart. C'est ça. Ouais. Mais moi, je t'avais dit il y a pas longtemps, j'ai découvert Funzo par hasard. Ouais, mais c'est ça, toi. Ouais, je t'en avais parlé. C'est un bar, ça? Ouais, c'est un bar gaming. Man, c'est un lounge de gaming. Moi, là, j'étais allé à DK 77 avec ma femme. On est allé manger un beau petit resto. Puis là, après ça, on est en train de monter. On s'en va vers Sainte-Cat parce que mon but, c'est d'aller à l'Arcade 2000, comme je vois tout le temps. Là, C'est plus cool comme avant. Non, mais c'est quand même correct. Là. Il y a des bons jeux de course qui sont linkés en marche, ligne maintenant, sont hot. Non, là, ouais. C'est le bac de Funzo là, pour ma fête. On est allé passer 1h30, 2h à l'Arcade 2000. Puis il y a des jeux de course de Namco, tout neuf encore. Non, ouais. Que tu as 4 boîtes, une à côté de l'autre, puis tu as une caméra. Puis au début de chaque race, tu peux prendre une photo de ton. T'as-tu mouna en caméra? Non, moi je faisais whatever. Puis t'es mais qu'est-ce qu'il y a, c'est que t'es 4, puis là on était 4 ensemble, puis tu jouais en ligne contre plein d'autres personnes. Puis tu vois les autres. Tu vois les autres, puis leur face, hein? Puis tout. Ça c'est cool, ouais, pareil. C'est... Mais Funzo, là, en revenant à Funzo, par exemple, là, il record encore, par exemple, je pense. Ouais. Ben, t'as eu du fun là-bas, c'est cool. Funzo, là. Mais c'est où, sur cette carte? Ouais. Mais je l'ai y aller, c'est ça, je l'ai y aller. Puis je sais que c'est un lounge, tu peux voir de la bouse, il y a des gros couches. Mais on game. Ira toute la gang au point. Ouais, c'est cool. Ma gang, la manière que quand tu rentres là-dedans, c'est tu rentres dans la cave, je te niaise pas, c'est comme, imagine des. Ah, je crois que c'est au deuxième étage, je crois au deuxième étage. C'est dans une cave qui. Ça sent-tu l'humidité? Une cave sur Sainte-Catherine, je trouve ça là, je te refais. En tout cas, tout ce que c'est pas Sainte-Catherine, c'est quoi Sainte-Catherine, mais c'est sur. Ouais, c'est ça. La manière que tu vas avoir deux divans, puis une table, puis une télé au mur avec des consoles. Oh, ouais. C'est cool. Puis là, t'es là, tu te parques là, puis tu peux jouer avec quelqu'un. Tu t'amènes tes jeux? Non, ils t'ont fourni. Faut-tu que tu payes pour jouer? Ils ont plein de jeux d'arcade sur les consoles en plus. Faut-tu que tu payes pour jouer? Non, t'as juste ta boost. Tu peux juste leecher. Je comprenais rien. Moi, j'arrivais avec ma femme, puis je suis comme, ça a dormi de la coupe. C'est mon idée de rêve. Là, une petite anglaise, hipster un peu, elle arrive, elle dit, can I help you guys? Des tatous de Pac-Man. Elle avait une moustache de Movember. Je savais pas trop comment ça passe. C'est comme, you guys want any games? Puis je suis comme, how does this work? Je dis, well, if you want games, tell me. While you play. Puis elle nous amène des manettes, puis sur la console, elle est là. J'ai passé un heure à jouer à Puzzle Fighter avec ma femme en buvant de la bière. Puis il y a de la bouffe. Puis il y a de la booze. Il y a de la booze, il y a de la bouffe, il y a du café. Puis il y a plein de jeux de table aussi. Ouais. Oh, une table plus loin, là, il y avait une gang qui jouait. The Warhammer? Non, pas ça. Il y a des gars, il y avait une table avec des dudes qui jouaient à Magic, là, pis t'sais, le genre. Mais du monde qui jouait à Jenga. Il y avait Jenga, une table man. De StarCraft que tu peux jouer en game. Puis quand tu vas dans le fait, Destin. T'as fucking la scène underground de Street Fighter 4. Ouais, là. Street Fighter 4 là-bas. Ouais. Avec ah, ceux qui se piquent, là. Hey, j'ai un ami qui y va, qui amène sa console. Hey, man, son joypad avec ses pitons, qui la même, qui la plug dans la machine, puis qui joue avec sa propre fucking joypad, man. Ben, c'est nice. Tellement c'est intense, là. C'est serious business, là. Si je te dis, c'est serious business. Mais savoir que ça, c'est là, au fond. Écoute ça, t'as les gars qui jouent à Street Fighter au fond en game. Avec un stream d'un match de StarCraft avec 4-5 gars, t'as découvert. Ah, mais tu vois, j'avais pensé d'aller faire un podcast là-bas, mais avec le bruit, j'étais pas sûr, mais c'est l'environnement assez cool pour ça. Non, non, moi, je suis en amour avec cette place-là, j'ai tombé en amour. J'ai pas été encore, ça fait un an que je vais y aller. Mais gars, on va aller découvrir la place ensemble. Mais tu sais, tu parlais de StarCraft aussi, puis il y a une affaire que j'espère que ça va arriver quand même, parce qu'il y a eu un peu de pépin la dernière fois avec le club, là, mais BarCraft Montreal. Ouais, t'es allé au club 234 de la montagne. Moi, j'étais allé l'année passée, c'est puis c'était cool. Fucking cool. T'as plein de gros écrans géants, tu checkes les finales de la MLG, comme le Nintendo Dome à la ronde. Ça fait longtemps, ça. Ah, je bring back des memories, hein. Nintendo Dome. C'était la même, quand c'était la place où ce que les pingouins étaient. Ah, ça, j'ai jamais vécu ça, ça, par exemple. Mind blown, man. Nintendo Dome, c'était l'aquarium. J'ai toujours été content, j'ai pas vu avant le Nintendo Dome. C'est vrai, il y avait des dauphins dans le lac des dauphins. Je me souviens des glissades de la ronde, par exemple. Dans le temps que les dauphins, c'était à mode. J'adore la ligue, il y avait des dauphins dans le lac des dauphins. Avant que ça soit pollué. Mais je me souviens aussi des glissades d'eau de la ronde. Ouais, c'est vrai, je suis allé une fois là-bas. Ils ont vendu Superco Club, je pense. Superco Club ou ouais, Pied-Bon? Puis les deux, je pense, ils ont splitté en deux. Ouais, je sais plus. On s'en fout, hein, les glissades d'eau, tu sais. Hey, c'est pas peu, les glissades d'eau, là. C'est le fun. Parle de ça, Melton, sinon... J'ai rien d'autre, là, sérieux, de vraiment... fou là, comme actualité. Spontané. Là. Mais j'ai de quoi que c'était plus une petite découverte pour toi, André. J'en ai parlé hier, bien vite. Oh. C'est le pendant que vous jouez à votre streaming weird de tentacules. Oui, qu'on vous invite à regarder. J'écoutais Space TV, puis je sais que toi, t'es un fan de Kevin Pereira pour son animation et ses talents multiples. Puis c'est ça, j'ai pogné son nouveau show. Ben, un de ses nouveaux shows, parce qu'il est plus à G4. Ouais, il y a Fun America quelque chose. Ouais, ben moi, celle que j'ai vue, c'est Viral Video Showdown. C'est comme Around the Web, mais comme en permanence. Non, pas tout. C'est lui, eux autres, lui, il anime dans le fond. Là. Il est pas là super gros, mais il anime les équipes, si on peut dire. Puis eux autres. Il est là le samedi pour enregistrer les segments. Genre, là. Ouais, non, mais ça a l'air plus de ça, parce qu'ils ont 4 jours pour construire la vidéo, genre le plus viral. C'est comme des petites équipes. Oh ouais. Puis c'est pas mauvais, parce que des fois, il peut avoir des bons résultats, quelque chose de drôle, mais je trouvais ça juste drôle, puis tu sais comment, un vidéo viral, c'est drôle quand ça arrive ben, c'est spontanément, parce, c'est ça, quand tu le sais pas. Pour là. Moi, c'est quelque chose de vraiment drôle ou quelque chose que le monde s'attendait pas à. Tandis que quand c'est trop monté... C'est weird un peu, genre quand il y a trop de production dessus, on dirait que c'est voulu d'être viral ou quelque chose de même. Puis je trouvais ça weird le show pour ça, mais en même temps c'était bon parce que c'était un peu, moi j'étais un peu un fan de reality show, mais pas les mardes comme Occupation Double puis ces affaires-là. Hey, là. Mais tu sais, les reality shows dans le sens construit de quoi puis je te filme. Là. Reality show, le seul que j'avais suivi dans le temps, c'était Beauty and the Geek. Je l'ai pas suivi, mais j'ai vu le concept. Mais ça, c'est trop monté, justement. Pas plus monté que Breaking Amish. Moi, je suis plus là, c'était. Attends, Breaking Amish? C'est quoi, ils font du meth? Ah, non, non, attends. Ben, je trouve ça plus Breaking Amish, c'est des Amish qui se découvrent, qui partent de leur communauté et qui vont à New York. Amish, mais c'est crissement fake, là. Tu sais que ça, c'est quelque chose qui fait partie de la culture Amish, hein? Quand t'as 16-17 ans, je pense que t'as un an de free game. Ah oh, ouais. Non, attends, non, t'as mais, un an pour faire ce que tu veux. Non, mais en tout cas, t'es sûr, je pense pas, moi. Tu te magades tellement. Je pense pas, ouais. 100% que c'est parce qu'eux autres, en tout cas, de ce qu'ils parlaient, ils n'ont pas le droit, ils sont super reclus ensemble. Oui, c'est vrai. Il y a un an pour essayer. Ah ouais. Non, mais à quelque part. Les obligés de vivre de même, il y a un an, va faire ce que tu veux pour justement qu'ils essayent, qu'ils se sentent tellement mal, puis weird qu'ils mais c'est bon, ça, parce qu'à quelque part, tu sais, c'est comme un kid. Là. Mais t'as deux. Fais qu'est-ce que tu veux. Ah, j'ai plus le goût. Attends, un strike. T'as cette chance-là où pendant un an, tu peux faire qu'est-ce que tu veux, prendre les drogues que tu veux. Ah, mais c'est quoi après la conséquence? T'es plus Amish. Il chonne. Non, mais c'est exactement ça qu'ils font la deuxième fois. Fait que si tu reviens, si tu veux revenir, tu t'en vas. Si t'aimes ça, fuck off, reste. Ils vont. Non, mais c'est ça, mais mettons, là, tu reviens, là, puis là, c'est comme la deuxième shot, c'est comme. T'es plus Amish, ben ok. Mais c'est exactement ça qui arrive. Tu ramasses tes bobines de fil. Dans l'émission, c'est pas mal qu'ils laissent paraître. Ils laissent paraître comme quoi qu'ils vont là puis sont totalement rejetés par la famille après. Puis ils font en croire qu'ils découvrent les buildings. C'était pas un film avec Tim Allen, ça? C'est de la merde. Moi, dans les reality shows, je suis plus le genre Junkyard Wars dans le temps. Tu sais, je sais pas si tu viens de dire, deux équipes, faut que tu construis de quoi. Ouais. Bon, ça. Ça, c'est le genre de. Ah, Robot Wars. C'est le genre de show de même, c'est con à dire, là, mais c'est plus mon genre de show de réalité. Que... Je dois avouer aussi que ma femme, elle écoute Occupation Double. Ah, je suis pas capable. Fait que des fois, je prie à m'embarquer. Fait que toi, pendant ce temps-là, tu joues au jeu de tentacules avec moi sur Internet, puis on fait du streaming. Il y a des fois que ça arrive. Il y a des fois où je m'embarque dans une zone de hypnose, où je suis là, puis je suis comme. Je m'hypnotise dans ce style. Par hypnose, tu veux dire tu checkes les filles en bikini à TV et tu oublies le reste? Non, il me frustre. C'est parce que là, on est rendu dans une étape weird dans l'Occupation double, puis je suis vraiment désolé qu'on parle d'Occupation double. Non, mais là, on est vraiment dans un more fucké. Là, il y a des filles qui ont 22, 20 ans, 21, puis qui écoutent Occupation double depuis qu'ils ont 11. Ah. Ça, là, ça crée des ça fait déjà 10 ans que ça existe, avec Occupation double. Moi, je vais juste nous faire peur avec ça, là. On va avoir des kids qui vont vivre dans une société créée par les gens qui ont écouté Occupation double à 11 ans. Ouais. Ouais. Pensez à ça, là. Puis le but, c'est d'être juste à la caméra, comme nous autres, à soir avec le live. Il y en a une, là, elle dit mon rêve, c'est d'être une star. Mon rêve, c'est d'être big, puis d'être connu. C'est ça son rêve. Fait qu'elle fait du porn. C'est tout ça, leur rêve. Mais je pense que c'est ça qui va arriver éventuellement. Ouais. C'est choix, c'est comme du jour au lendemain. Bon, ben voilà. Ok, ben là, on coupe l'Occupation double. On a-tu vraiment parlé d'Occupation double sur un podcast geek? Genre c'est correct, ça va permettre Neil Tramon une photo d'Occupation double. Ouais, il va faire. Là, tu peux te gâter, là. Dis-toi, regarde, de tous les épisodes qu'on va faire, ça n'arrivera plus. Garde-toi, là. Je vais faire un statement rough, là. Ok. Caroline d'Occupation double, c'est une truie. Ok, j'ai jamais écouté, je sais même pas s'il y a quelqu'un qui s'appelle. Y a-tu vraiment Caroline, quelqu'un qui s'appelle Caroline ou t'as plagué ça de même? Ou... Il y en a sûrement une qui s'appelle Caroline dans la gang. Mélanie, puis après j'ai dit Chris, ben non, elle est à côté. Pas là du vin de dépanneur en plus. Au cas qu'elle prenne. On n'avait pas à parler de Star Wars, disons. Non, mais juste avant. Oh. C'est pas une nouvelle à moi, mais il y a Halo 4, mais il y a Assassin's Creed 3 que tout le monde a de l'air à aimer. Ouais. Moi, j'ai pas joué. Ouais. Mais on a vu une photo de Rémi, pas de chandail aussi avec ça. Ouais, Rémi était content de montrer son chest. Son chest. Jeu. Ça, ouais. Ça ou le jeu et le chest dans mon cas. C'est correct, le gars. Il était en bédane avec un jeu. On a tout fait ça. Moi, j'ai non. Ça, ok. Allez pas voir mon album Facebook, moi en bédane avec mes jeux. C'est 112 belles photos à ne pas voir. Mais non. C'est juste non, drôle. Non, parce que c'est 112. Là. Ok. Hey, on s'entend-tu le live là? Ben, Mel exclu. On prend toute une photo en bédane avec le jeu. Ok. Tantôt, on a-tu un jeu? On a-tu un jeu? Ben, on est chez Rick, il y a un des jeux. Je peux vous huiler le chess pour ça, mais... On se frappe dans le Crisco, puis... Je vous huile le chess, vous mettez en chess. Bon? Ah, Faut que je vois ma bédaine. J'ai trop de poils pour être ouais, c'est un peu ça. Ah, ça reste dans la main, les poils, quand tu fais ça. Fait que... En passant, elle va chez Rémi, mais ok, c'est bon. Merci de nous mettre dans cette... Pourquoi? Parce que nous met dans la situation, c'est qu'on se mette à bédaine. Ben non, ah, t'es pas obligé, man. T'es pas obligé. Amicalement, Rémi. Là, là, cette semaine, c'est important. Ça s'est passé, il y a un petit bout de temps, le monde va faire ils sont en retard dans l'actualité. Ouais, ben... C'est parce qu'on en a long à dire. Puis il y a aussi le fait que. On fait aux deux semaines. On enregistre aux deux semaines. Fait qu'on n'a pas le choix d'attendre. Là, là. Et pas pour enregistrer aux deux jours non plus. Là, ouf! Attends, avant. Faut qu'on refill. Ouais, faut refiller les beers. Il reste 20 dépanneurs. Il te reste juste ça de mais c'est bonjour parce que je pense que c'est un peu tipsé. Bon, ben, c'est correct ça. Mais moi, je dis un cheers à Mel qui est pompette. Yeah! Ouais. Ouais. Qui avait des notes qui étaient pompettes. Mais c'est encore pire en fin de semaine. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas pris une bonne brosse. Fait qu'au party d'Halloween, je pense que. Ouf, c'est correct ça. Peut-être pas dans le fond parce que. Mais moi, c'est pas dans le fond. Je sais pas si c'est ça que les gens veulent. Ah, ben écoute, moi, je vais juste dire, est-ce que Nick est encore sur le chat? Puis si oui, moi, je dis révèle à l'orange. Je vais faire du révèle à l'orange. Le révèle à l'orange est un breuvage que je concocte. J'ai eu, c'est super bon. Qui va dans un blender avec de la glace puis du jus Oasis. Je ne dévoilerai jamais la recette du révèle à l'orange parce que, de un, je la garde secrète, puis de deux, je suis seulement capable de la faire quand je suis pompette. Donc. C'est drôle. Merci beaucoup. Fait que t'es en train de dire que c'est ton genre de drink préféré pour travailler. Non, en fait, c'est mon genre de drink. Le révèle à l'orange. Je pense que t'en avais déjà parlé, toi. Hein? Ouais, ben... Ben écoute, il va en avoir au party d'Halloween. J'en fais des martinis comme ça, ça s'appelle creamsicle. Un creamsicle, ben ouais. Ça va peut-être ressembler à ça. Mais liqueur, moi, c'est un creamsicle, mais old vodka, the cream. Vodka, j'orange. Vodka, Galliano, j'orange, shake. Merci, bonsoir, ça goûte comme si tu mangeais pas de. Fais-tu des grouillardes avec ça? Peut-être, je sais t'as pas. Goûté et voilà. T'as goûté le popsicle, tu sais, avec la crème glacée en dedans puis l'orange extérieur, le creamsicle. Mesdames et messieurs, on a nos beers. Tout le monde a sa bière, tout le monde autour de la table. Parlons sours. Live là, là. Il y a une transaction qui s'est passée dans le monde qui a fait que toute l'internet s'est mobilisée en 30 secondes. Même moi, j'étais confus. Je comprenais pas qu'est-ce qui arrivait. Je voyais de l'information de tout bord, de tout côté. Je me suis mis en petite boule. J'étais allé prendre une douche. Hey, c'est moi qui l'ai mis, je pense, à l'idée sur le Geek Collectif en plus. Hein? Moi, là, on oui, c'est moi qui l'ai mis. Oui, c'est moi. Comment est-ce qu'on l'a appris? Parce que primeur. Moi, je pense qu'on a toute une... Moi, en tout cas, j'ai une histoire intéressante de comment je l'ai appris de la nouvelle. Comment ben, premièrement, on parle... Ben, je peux te dire la mienne avant parce qu'elle est plate en est. OK, ben gars, attends, ça on va faire un sandwich. Ça va être un build-up parce que si tu mets moi à la fin... Le monde va arrêter de télécharger. Puis... Ouais, OK, premièrement, on parle de l'achat de Lucasfilms par Disney. 4,05 milliards de dollars. Oui. Là, ça, là, je pense que honnêtement, j'ai jamais vu autant de monde. Tu sais, c'est comme, OK, t'avais les... t'as eu les élections américaines. C'est combien, ça? Je pense que c'est combien en yens? C'est pas en yens, mais c'est combien en canadien? Combien que c'est de cash, là? Ben écoute, c'est de l'américain, fait qu'en canadien, ça doit être 5,12 ces temps-ci. C'est plus que... C'est 100 millions, c'est... Un milliard, c'est... C'est plus que 900 millions. OK, gars, mettons, là, c'est plus que... Gars, dépense tout l'argent que tu veux, là, fois 4. Fois 4. Puis même, là, il en reste. Il en reste en... Mais attendez, ce qui, moi, m'a le plus... C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, je sais pas. Il l'a donné aux charités, est-ce-tu? Ouais, mais ce gars-là, c'est un gentleman, par exemple. Il est gentleman, là. Ouais, mais... Il est gentleman, puis il va être débile mental. Non, mais regarde, lui, il doit sûrement avoir négocié des royautés là-dedans. Ouais, il a négocié des royautés. OK, fait que le gars, il a des royalties pour le restant de sa vie. Il est déjà riche, chez Noé. Il est déjà riche, sa famille va vivre ses royautés pour le restant d'un jour, puis le quitte. Puis lui, il a une fondation, hein, je pense que c'est Lucas. Lui, l'éducation, il croit beaucoup à ça. Puis honnêtement, regarde, live là, ce gars-là, c'est un. Tu sais, les prochains carrés rouges, ça va être des faces de George Lucas. Ah! Ce gars-là a donné 4 milliards à l'éducation. On parle jamais de politique au collectif, mais je viens de le faire. Exception. Non, non, mais lui, c'est le groupe Tazar, là. C'est ça, il veut payer l'éducation. Mais ce gars-là a donné son cachet complet versus... ça n'a pas de sens. Il a tout donné. Mais ça, c'est un méchant bon move, honnêtement. Là. Puis, moi-même, que je déteste un peu Lucas pour certains mots, j'ai vu ça et j'ai fait... Peut-être. Non, non. C'est le cancer terminal, on ne sait pas. Moi, j'ai entendu cette rumeur-là, mettons, tu sais, qu'il y a peut-être le gars, il crève dans 2 ans, puis il le sait, puis... Mais je vends tout de suite parce qu'après, je vais laisser ma famille dans ma vie. Toi, Melter, quand est-ce que tu l'as appris? Moi, je l'ai appris en ouvrant mon Facebook, genre. Puis j'ai vu ça. J'ai dit, ah, taille, si je vais poster la nouvelle. Ben, first, du coup, j'ai dit, bon, un troll, genre, une niaiserie. J'ai lu l'article, j'ai fait, ben, tabarnak, ça a du sens. Là, j'ai dit, je vais aller poster ça sur le groupe de gays collectifs, tu sais. J'arrive, il y a comme 22 personnes qui l'ont posté avant moi. J'ai fait, oh, ok, dans le fond, je suis en retard. C'est pas vraiment la grosse nouvelle. Fait que, c'est pas. C'est rien de vraiment intéressant. Fait que, ben, ça peut juste être intéressant. Mais ben, ça peut juste être mieux. Moi, ben, j'ai pogné mon chat. J'espère que c'est mieux que lui. J'étais à la job. Mais j'ai texté quelqu'un. Oh! Un texto qu'on appelle. Un texto, là, parce que le gars, il n'a pas de Facebook vraiment. Là, c'est un ami. Mais c'est, je pense que j'en ai déjà parlé, mon ami qui est tatoué de la tête aux pieds, Star Wars, genre. Ah, oui, ouais. Oui. Puis tu dis la grandeur, une grandeur nature. J'adore son histoire plate, elle vient de venir épique. Ouais, mais non, continue. Mais j'avoue, je fais, en tout cas, mon ami Didier. Il faisait quoi, ce gars-là, pendant ce temps-là? Didier, il faisait quoi? Il fait travailler, il travaille dans sa shop. Watch bien ça. Peut-être, il fait son affaire. Fait que cette soirée-là, les murs étaient tout croche. Ben, je l'ai juste texté, genre, pour lui dire, hey, en passant, Star Wars vient d'être vendu à Disney, tu sais, puis j'ai pas eu de réponse tout de suite. T'as-tu checké dans le journal en fin de semaine? Il est encore correct? Ouais, il... ouais, je l'ai vu par après. Ok, bon, au moins. Il était comme, ouais, qu'est-ce que c'est ça? T'sais? C'est vraiment le gars, comme, je veux pas dire anti-geek, mais l'inverse total, le genre, là, qu'il y a pas Internet, il a à peine découvert des messages textes dernièrement. My God! Fait que dans le fond, t'es chum avec mon père. Lui, non, mais ce gars-là, là, par exemple, là, j'allais chez eux là, à tous les vendredis soirs, puis on écoutait toutes les Star Wars. Tous les vendredis soirs, là, il se tapait genre... Puis tu y retournais. Ben oui, c'est un bon chum de... Et voilà. De pareil. Mais tu sais, on s'achetait de la bière, puis c'était comme écouter de la musique en fond, mais c'était Star Wars. Fait que moi, je suis pas un méga fan, mais je les ai toutes vues en loop. Quand l'épisode 3, il est sorti, là, lui, il était là, en train de se battre avec des épées en plastique, là, il y a 26 ans, là, il y avait 26 ans. Il se battait dans le fil, tu sais, le style malade là, qui est primé dedans. Là, moi, je n'ai une histoire pour vous autres de sortie. Quand Phantom Menace est sorti, moi, je travaillais dans les cinémas Goudieu dans ce temps-là, puis j'étais placé. Ouais, je m'en rappelle. Puis la soirée de première, j'avais acheté mes billets, puis je faisais un chiffre, je m'assurais que tout le monde rentrait, puis la deuxième représentation, j'allais l'écouter. Puis là, mon boss, il me dit, regarde le line-up, là, il est mongol, il est dehors, la police vient de passer, surveille le line-up dehors. Fait que moi, je suis dehors. Placé de cinéma, fait qu'on s'entend que mon niveau d'autorité est à moins 15. Au moins. Puis je suis dehors, j'ai 17-18 ans, j'ai la face toute boutonneuse. Puis j'ai une pizzeria. Puis là, ben, je suis entouré de gens déguisés en Stormtrooper, en Jedi, de Princesse Padmé. Puis tu fais la sécurité de ça. Puis je fais la sécurité de ça. Puis là, mané, c'est il faut tout. Queen Padmé, plutôt. Ouais, Queen. Non, c'était la princesse. Non, c'était, elle était princesse. Elle était pas encore Queen, non? Non, okay. Ouais, moi, j'ai déjà fait la sécurité de Helmut Lotti. Pour ceux qui savent c'est qui, je name drop ça de même. Parce que t'as dit sécurité. Pourquoi? Parce que ça m'a fait passer la seule fois que j'ai fait d'agent de. Il y avait un live. Master Blaster fait dire allô. Ben, allô, Master Blaster. Ok, bref donc. Là, fait que je suis dehors, puis là, un moment donné, il y en a une gang là-dedans, ils ont de la beer, puis ils ont. Du Jack. Puis là, ils font, hey, le jeune, tu veux-tu une shot? Ben non, je peux pas. Je travaille. Viens ici. Puis là, ils se mettent en rond autour de moi puis ils me font chugger. En rond, t'as pas le choix. Non, mais c'était comme, tu sais, on va te protéger. Là, un moment donné, je commence à être paf pas mal. Puis là, le monde prenait des photos avec moi puis tout croche. Ils ont dit, hey, check, le gars du cinéma, il est chaud, ben raide, puis il est mineur. Puis il travaille. Puis il travaille sa job en plus. Je m'excuse, je suis totalement professionnel d'habitude. Mais c'était une des très belle soirée de ma vie, ça, honnêtement. Tout le monde est rentré, j'ai vécu le trip. Tu sais, même si les premiers films, il y a eu beaucoup de controverses. Moi-même, personnellement, je ne trippe pas tant que ça sur la première trilogie. Mais ben, aussi, c'était correct. C'était correct. Mais gars, sans embarquer dans le débat, là. C'est un autre trip. Spirit, là, c'est ça. C'est plus enfant, on dirait, mais en même temps, non. Quand tu sais plein de backstory, tu avec un enfant. D'un ouais, mais un kid un doit triper. C'est une autre vision. Là, quand tu sais qu'est-ce qui s'en vient, tu le regardes avec plein de détails. Il va-tu être méchant, quelque chose? Mais tu vois, regarde, moi, ça va toujours me rappeler mon souvenir, justement. C'est que j'ai vécu la soirée du nouveau Star Wars. Ça va toujours être ça dans ma tête. Puis c'est con, là, mais c'est un méchant beau souvenir pour moi. Là, je m'en rappelle. Là. Hey, le monde faisait le line-up, achetait les billets, des gros line-up costumés, puis c'était un party. Puis le monde passait en char, là, puis on s'entend, t'es à Pontvieux Laval, puis ils sont comme, what the fuck, c'est qui ce monde-là déguisé? Mais je trip, l'ai là. Vu pirater. Mon frère avait trouvé une copie de je ne sais où. Il était encore au cinéma, puis il a réussi à trouver une copie, puis il avait gravé sur un DVD. Ça a pris 1 heure l'uploader sur notre ordinateur, pour l'encadrer sur notre ordinateur. Peux-tu croire à ça? L'épisode 1? Ouais. Puis on l'écoutait sur mon ordinateur. Je suis allé le voir au cinéma, là. Puis je me souviens même, un peu avant qu'il sorte l'épisode 1, il avait sorti les autres épisodes. C'est comme un... Je sais pas comment dire ça, une ressortie au cinéma. Pour ouais, les rééditions. Les rééditions, il y avait des petits détails de plus dans le fond, puis des affaires même. Puis ça, j'étais allé voir ça avec un de mes chums qui trippait vraiment beaucoup plus que moi. Là. J'aime Star Wars, mais pas... C'est comme, je suis le reste du monde plus que moi qui trippe vraiment. Là, j'y allais, puis j'aime ça, mais je suis tout le temps avec du monde qui trippe vraiment beaucoup trop. Puis, j'ai bien aimé ça. T'as échappé ton téléphone, ça. Non, je paye le Windows. Ça, le Windows Phone, c'est correct. Ah, Windows, pas grave. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Je suis allé voir ça. J'ai vu les autres au cinéma, mais. Tu l'as le jeu? Le gars en train de. À minuit. T'as-tu puis, googlé ça ou quelqu'un t'a envoyé? C'est Nick. Nick. Nick, il nous a envoyé. Je te dois quelque chose, je sais pas quoi, mais je te dois quelque chose. Je te dois quelque chose. Mais elle est contente. Merci, Nick. Fait qu'au party du Geek Collectif, vendredi on prochain. Merci, Nick, pour trouver. Elle va donner quelque chose à Nick, je sais pas si ouais. Mais. Non, merci, c'est, Nick. Ben aussi, il y a une affaire, moi, je voulais dire. Tout le monde chiale. C'est Nick. C'est Lucasfilm qui a été acheté. Ouais. Ça, c'est Star Wars. Mais c'est beaucoup d'autres films. Ben, c'est clair. Ouais. Je les ai ici, je m'ai fait une liste. T'as vraiment fait une liste des films de Lucasfilm? J'ai Wikipédia et ça, ça se dit-tu? Wikiit. Non, j'ai mais oui. En tout cas, googler, c'est rendu un verbe. Enfin, fait que, je google, pas googler, tu parce que quand je google de quoi, des fois, je rajoute wiki à la fin. Moi, non, c'est le premier lien qui sort, c'est Wiki. C'est comme c'est ma façon d'être paresseux. À place d'aller sur Wikipédia tout de suite puis de l'écrire là-dedans, j'écris dans Google puis je rajoute. Moi aussi, Wiki mais je rajoute pas Wiki parce que c'est le premier lien qui sort, j'ai acheté ce premier lien. Les films de Lucas. Ok, il y en a plus que quand j'écris, mais j'écris les plus hautes. Là. Sors-nous le bon, là. Ben, ou le mauvais, okay, ou ben, les deux. American Graffiti, un vieux classique. Pas vu ça. Hey, avec des Hot Rods de Lucas pis la kit, c'est quand même cool. C'est ça. N'importe quoi, mais c'est juste, ils ont acheté ça Disney. Mon père trippe là-dessus, American Graffiti. C'est un méga classique à la Grease, le style, là, pis ces affaires-là. Il y a toutes les Indiana Jones. Ouais. Mm-hmm. Ah ouais, c'est. C'est Lucas. Je savais pas si c'est Lucas Films. Je pense que c'est juste Steven Spielberg. Mais non. Non, non. Ben, c'est Lucas et Spielberg. C'est, mais c'est les studios. Je savais pas si c'est Lucas qui produisait. C'était quoi, là, sur l'avion dans le premier Indiana Jones? Là, t'as l'hydraplane, là, sur la bouée. C'était écrit Obi-Wan, 3PO, quelque chose dans le même. Ah ouais. J'ai pas. Ça, j'ai pas. Je vais sûrement me faire corriger sur mon propre Facebook dans une semaine. Ouais, c'est ça. Mais il y a le film Labyrinthe. Ah ouais, avec, c'est Lucas. Attends, ça? Avec David Bowie et sa fourche. C'est Lucas. C'est pas. Muppet, là, par exemple. De David Bowie et sa fourche. Jim Henson. Mais pareil, ça appartient au studio de Lucasfilms. Je savais pas. Il y a Willow, film d'année. Ça, je savais pas. J'ai un sauté un chronologique. De toute façon, IMDB. IMDB, fais attention. Oh, le meilleur. Drumroll. Howard the Duck. Ah, oh, ça! Oh, hey. Howard the Canard, là. Confidence c'est... de Howard the Duck, OK? Moi aussi, ça, c'est j'en une affaire ai une que... Caroline Thompson. Moi aussi, j'en ai une après. J'ai écouté ça quand j'étais jeune, quand OK? Quand j'étais kid. Je pense que j'ai encore un crush. Moi, j'avais un crush sur le canard. Il est cool. C'est un beau canard. Ça explique beaucoup. C'est un beau non, canard. Je déconne. Ah, mais... Fan service. Je savais pourquoi. Je trippais sur Howard. J'ai écouté Howard the Duck quand j'étais jeune. Je vais poser la question à Caroline. On se comprend, puis moi. Puis vous autres, vous trouvez sur Caroline, mais dans le fond, c'est un cercle. Okay. Une séquence de danse que Caroline, là, elle se met à être en bobette, là, puis elle se met sur le top du lit, penchée à quatre pattes, hey, sur le canard. Puis Master Blaster. J'étais un kid, là, puis je capotais, là. Je comprenais pas ce qui se passait. Master Blaster vient de nous dire The Dark Crystal aussi. C'est-tu de l'eau que ça, en fait? Ben, selon lui, oui. Ouais, peut-être, mais je l'ai moi, je l'ai peut-être considéré. Je sais que c'est Jim Henson. Mais moi, honnêtement, Howard the Duck, là. Regarde, j'ai écouté ça quand j'étais jeune, c'était pas pire, je le comprenais pas trop. J'ai réécouté Howard the Duck l'année passée. Puis honnêtement, là, c'est qui l'acteur qui fait le méchant qui se fait posséder par les crabes de l'autre dimension? Puis, ah, il est freaky en sang. Hey, lui, là, honnêtement, déjà. Il était dans plein de films. Oui, il est connu. T'écoutes ça à 28 ans, puis t'as encore. Tu le trouves freaky, puis il y a la chienne. Imagine-toi le kid de 7 ans qui écoutait ça dans le temps. Ouais, non, j'avoue. Ben, non, j'avais eu peur d'E.T. aussi. Là, fait que... Ben, moi, j'avais peur du gars dans Roger Rabbit. En checkant un peu la page wiki que je checkais en même temps, là, mais il y a des films cancellés de Lucasfilm. Tu sais, un des films cancellés. Ah, ouais, donc. Non, je les ai vus. Secret of Monkey Island. Oui. Ah, oh, non. Qui est en production, puis ils l'ont cancellé. C'est quoi ben, ça, ils pourraient le ramener. Mais Yui Ball va le refaire. Willow 2, Ewok 3. Ah, c'est Ewok 3. Puis c'est ça, c'est vrai, j'ai vu en quelque part, justement, sur le même wiki. Il planifiait, genre, prochain film autre que Star Wars, Willow 2. Puis, ça même pas. Un cinquième Indiana Jones. Willow, par exemple, je sais pas si je continuerais ça. Quoi, arrête ça, le gars. Willow, il y a juste l'autre qui s'en rappelle. Puis honnêtement, joke, là, même nous autres. Comment? Y a-t-il quelqu'un qui regarde ça pour autre chose que le nez? Non, non. OK, autre chose que le nez. Le nez, c'est pas le nez d'Austin Power que je suis là-dedans? Non. Vern Troyer. Il ressemble, man. C'est le nez de... C'est son père. Le gars dans In Bruges? Non, c'est le gars dans... Oh my God, là, c'est là tu... Mais tu sais, il y a des nez, le film le nez. Ça ressemble pareil, hein, ils ont des faces, comme, je vais pas dire weird, là, mais tu sais, ils ont des faces qui... Un style de nain qui s'accepte. Admettons qu'on aurait des nains qui nous écoutent, là. Ouais. Puis ils seraient offensés par ça. Warwick Davis, je les aime au bout. Ouais. En passant, le nain dans Willow, c'est Warwick Davis qui jouait justement. Warwick. C'est Warwick Davis, mais il jouait aussi le Ewok Widget. Wicket. Ah ouais. Wicket aussi. Ben, il pâtit aussi. Contrairement au nain qui jouait R2D. Mais. Tu sais, la famille de nains à TLC? Ah, oh, fuck, pour vrai. Il jouait un des Ewoks, il me semble que ouais, faudrait que je check ça en quelque part. Là, ouais, mais... c'était lui qui tapait ses casses de Stormtrooper, pas, là, comme un xylophone. Des big names, là, genre là, des. Juste des en passant, là, juste pour dire mon histoire vite fait de quand je l'ai. Vas-y. Avant vas-y. Qu'on embarque sur la vraie. Viande de l'argument. Moi, j'ai lu Tway sur Facebook qui avait comme. Je poste habituellement jamais des choses comme ça, mais là, t'as vidé ton cœur. Je te niaise pas à job, là, j'ai juste vu ça sur mon Windows Phone qui est vraiment pas trop adepte quand ça vient aux social media des fois. Mais tout ce que mon cerveau a compris, parce que ça faisait aucun sens que Star Wars et LucasArts se fait acheter par Disney dans mon brain, c'est ça. C'est que tout ce que moi j'ai vu, c'est LucasArts. Puis là, j'ai comme, ah ben, bon, les jeux, ils vont faire des jeux, c'est bon ça. Moi, c'est juste parce que quand j'ai vu ça, j'ai juste fait comme... Non. Parce que... Pour embarquer un peu dans le sujet du croustillant aussi, c'est quand j'ai vu ça, j'ai vu Lucasfilm se faire acheter par Disney, puis là j'ai fait... là j'ai fait Tapper It. C'est pas normal. Ben, là je me suis dit, quelqu'un troll, c'est Onion ou quelque chose de même. C'est Onion. C'est ça je me disais. Là ça apparaît partout. Là ça apparaît puis ça se multiplie. Puis là maintenant je fais, c'est vrai. OK. Là je fais, ben OP, regarde. Prochain, ouais. Non, mais j'ai pensé tout de suite à Marvel, vu que je suis un méga fan de Marvel. Moi, j'ai fait il y a 10 ans, comme, oh shit, Disney achète ça, qu'est-ce que je fais, genre, et puis tout. Puis finalement, ben, c'est ça, tu te réévalues. Moi, j'étais confus, mais quand j'ai vu le film des Avengers, j'ai vraiment capoté. Mais moi, c'est l'affaire, l'éthique d'affaires de Disney. Moi, il y a des concepts qui devraient plus exister en 2012, comme la crise de voûte, là. C'est disponible en temps limité. Le film retourne dans la voûte. Man, OK, live là, je vais le dire, je vais être grossier, qui a le chier avec la voûte. Si je veux acheter le film, je veux l'acheter là. Si je comprends bien, en ce moment, tu t'es frustré la fin de semaine passée parce que tu voulais une copie nouvelle de Little Mermaid, c'est ça? Genre. Mais il trouvait juste le coffret. Fuck you! Non, mais. Fuck you la voûte! Non, mais je trouve ça, c'est cave. Puis deuxièmement, après ça, c'est comme, hey, lequel je vais acheter? Le combo DVD Blu-ray ou... Version numérique digitale. Hein, le combo Blu-ray DVD. Les deux à 34$. Lequel j'achète? Moi, c'est juste ça qui ça dépend de la boîte que t'aimes. Ouais, rouge ou bleu. Dans deux ans, ils vont décider quelle boîte qui est standard pour tout le monde. Puis toi, tu vas être pogné avec ton mauvais choix de boîte qui ne fit pas. Puis tout le monde va savoir tout de suite que... Ah, t'as tes petits films-là qui sont 2 ans passés. Ça, tu me fais penser à mes chums qui venaient chez nous, puis « Hey, t'avais acheté un lecteur HD DVD. Blu-ray a gagné, hein? » Mon Christ, tu m'aimes. J'ai encore le lecteur. Il me sert de lecteur DVD sur mon ordi, puis j'ai des films, puis ils sont cool, puis... Dans une coupe, tu sais, gars, demande-moi si ça me fait un pli, là. Ben, mais en restant sur le croustillant, moi, je vais être straight, puis je vais le dire, moi, je suis bien correct avec l'achat. Ben oui. Ouais, moi, ça, ben, je dis ça de même, là, mais quand j'ai remarqué aussi de quoi, là, Lucasfilm, là, il y avait de quoi, là, puis en 86, Lucasfilm Computer Division, c'est bien que ce bout-là, il a vendu ça à Steve Jobs, ouais, le petit gars d'Apple, là, qui fait tout, là, qui est mort, la vidéo vient de lâcher. Puis... En tout cas, c'est Pixar qui c'est tout devenu Pixar, puis toutes les méga. Ouais, toutes c'est les méga classiques de Pixar, genre, Division, qui sont quand même hot, là, puis qu'il faut se dire. J'avais là. Oublié ce lien-là, en fait. Là, ah ouais, ben j'ai vu ça, moi, en checkant sur Internet, checkant. Puis en plus, si je me trompe pas, quand Steve Jobs il a acheté ça, il a fait. C'était comme une. Ah, c'était un achat weird en plus, là. C'était. Je m'en rappelle ça, c'était. En tout cas, je vais pas aller sur le. Je m'en rappelle pas. Parce que ouais. Je m'en rappelle juste que Steve Jobs, il avait. Bah, en tout cas, on change, je vais arrêter là. Bah, Steve Jobs, il a acheté ça, mais en tout cas. Moi, je suis sûr que tout ce qu'il faisait, je suis sûr que ça va être bon. Sérieux, là, je suis sûr que ça va être juste bon. Parce que, bon, chiolet, au début, dans le temps, quand les épisodes 1, 2, 3 ressortaient, c'était comme, waouh, ils vont ressortir une affaire, puis ils vont avoir tous les nouveaux films, puis après, ils vont faire 7, 8, 9, puis nanana, puis à un moment donné, après. Ah, on fait plus 7, 8, 9, puis nanana. Puis là, il la jette, puis tout de suite, j'ai les dates, là, il disait genre, là, c'est quand qu'ils vont les faire, là, en 2015, 2017, puis 2019, 7, 8, 9. Ben ça, c'est ça, j'avais compris. C'est des vrais qui sont déjà écrits, par exemple, là, c'est pas on va inventer, puis tirer de la bullshit juste pour déjà, là, film. Moi, j'ai déjà vu, là, tu commences déjà à voir, là, des Harrison Ford. Qui dit qu'il est ouvert. Hey, mais ça, c'est, j'ai trouvé ça cool, ça. À reprendre son rôle. Sauf qu'il joue tout son rôle dans Blade Runner 2, lui. Ouais, ben c'est Harrison Ford, là. Lui est ouvert, mais ils vont-tu pogner Mark Hamill? Tu sais, ils vont-tu les refaire en vieux? Ça, c'est d'autres choses. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire, tu peux pas faire les livres, justement. Là. Moi, je vais rester quasiment. Ouais, mais il pourrait skipper. Ouais, mais moi, ça, c'est une affaire. Le monde, il partait, là. Puis. Un moment donné, là, je m'en rappelle, là. Je vous niaise pas, je ferme le browser une demi-heure, je vais manger, je reviens, j'ouvre le browser, puis là c'était rendu, oh my god, le prochain film c'est un spin-off, c'est l'histoire de Jar Jar Binks, puis le monde embarquait là-dessus, là j'ai fait, hey guys, non, c'est des rumeurs, il y a quelqu'un qui vous troll, vous embarquez, je dis, gars, tu penses-tu qu'ils vont payer 4 milliards pour se planter avec Jar Jar Binks? On arrête ça un moment donné. Come on! Mais je pense que c'est toi qui me l'a dit. André me l'a dit de mieux. Il a dit, ils vont pas scraper les films. Ça, je m'inquiète même pas du film. S'ils payent ce prix-là, c'est juste l'éthique commerciale de Disney que je déteste. Mais parlant de Jar Jar, là, vous avez-tu vu, il y a une version sur Internet que tu peux downloader du film qu'il n'y a pas Jar Jar dedans? Y a-tu meilleur? Non! Il y a, check ça, là, je sais pas où c'est Tarant, là, ou quelque chose de niaisement, là. Puis, je sais pas c'est quoi le nom, là, sûrement épisode No Jar Jar, là, épisode 1 No Jar Jar, là, ou quelque chose. Ah, mais il fait partie de l'histoire. Ils l'ont coté, ouais, mais il est plate. Tu sais, des troll hater fans, là, genre, là, le monde qui sont pas capables de passer par-dessus que Jar Jar il est là, puis who cares, là. Mais ils l'ont cut out de tout le film, chaque scène, y a pas une scène que tu vois Jar Jar. Ça, c'était comme le gars qui avait pris Pulp Fiction, puis il l'avait remis. Tu sais, Pulp Fiction, c'était comme plein de bouts d'histoires fuckées, puis il l'a remis dans le bon temps. Ouais, ouais. J'ai écouté ça une année, je me rappelle, une couple d'années, j'étais comme... Il y a la même affaire pour Memento, le monde qui ont vu ça, là, genre, là, c'est comme... Mais là, même c'était DVD bon, de Memento. Memento, il l'a de même. Ouais, ben, Aster, dans le temps, il l'avait non, pas. Non, le DVD de Memento, il y avait au début, la première version. Order, ouais. Ah, ça, j'ai pas vu, mais je sais que là, j'ai la version spéciale, je sais qu'il l'avait dessus. Fait qu'en gros, tu sais, regarde, Star Wars, regarde, ils ont fait une belle... Disney ont fait une bonne job avec The Avengers. Moi, si je suis capable de payer un extra sur mon billet de Disney World, puis d'avoir accès à un Avenger Ride, un Star Wars Ride. Tu sais, j'arrive là-bas, puis c'est pas Darth Vader qui danse. Puis en passant, moi, je vais régler quelque chose live là. Ah, ça, j'aime ça quand les choses sont réglées. Là, je le règle en direct, live là. Les gens qui posaient des vidéos, qui postaient des vidéos de Kinect Star Wars du monde qui danse, là, ça n'a rien à voir avec Walt Disney. Ça n'a rien à voir. Puis là, le monde était comme, hey, Disney a acheté Star Wars. Puis ils mettaient des vidéos de Kinect Star Wars. Ça n'a même pas rien à voir avec Disney. Aussi là que Lucas, là, je m'excuse, Mais je l'aime, le gars, mais est-ce qu'il faisait pas des bonnes décisions? Ben non, mais c'est sûr. Puis ils ont essayé de... Puis c'est un peu un signe qu'il essayait de... Moi, j'aime son univers, mais le gars en tant que tel, là... Puis ce gars, c'est une autre affaire que j'avais pris en note, là. Lui, il a fait l'épisode 1, 2, 3 en réalisation. En général, c'est pas les trucs... D'un 6, c'est pas les meilleurs. C'est qu'on va dire, là, puis les vieux, c'est les meilleurs. Puis lui, il a rien que fait l'épisode 4 dans le temps. Le 5-6, c'est même pas lui qui les a fait. Puis il y avait la pression de Fox. Il y avait la grosse pression de Fox. Fait que tu sais, c'est... Moi, je pense qu'il manque cette pression-là. Pour le 1-2-3, là, une des raisons principales pourquoi ça a failé, c'est parce qu'il n'y a pas de pression du studio. Il n'y avait pas de studio en arrière de lui, t'es respiré dans son dos, là, donc fuck ça. Fait qu'en gros, si on a résumé là, pour conclure un peu le sujet, là, c'est arrêter de capoter. Premièrement, ça va être bon. Si Disney, là, ils vont mettre le cash, ils vont pogner les réalisateurs qu'il faut pour faire de quoi. Là. Le pire qui va arriver, c'est qu'on va tous attendre au pire. Puis on va être surpris. Mais ça, je pense que c'est la meilleure manière d'arriver au cinéma aujourd'hui. En 2012, tu arrives au cinéma et tu te dis ça va être de la merde, puis au pire, ben c'est bon. Bon, ça, c'est sûr. Fait que présentement, regarde, ils ont fait une bonne job avec The Avengers. Il y a un potentiel. Ils ont moi, j'ai adoré Avengers. Oui, Avengers, c'est écœurant. J'ai capoté, là. Regarde. J'étais bandé devant le show. Ils vont passer dans les bonnes mains, là. Ils vont pogner... Quand ils vont faire l'épisode... S'ils commencent la production d'épisode 7, là, je te garantis que Disney, là, ils viennent payer... Faut qu'on pas le chien, c'est vrai. Faut qu'on pas le chien. C'est sûr, c'est sûr. Ils vont pogner Spielberg. Je l'ai annoncé tout de suite. Puis Spielberg va réaliser l'épisode 7. Moi, tu vois, je pense qu'ils vont juste pogner un fait. Nowhere. moi, j'aime ça ces temps-ci. Hollywood se permet certaines décisions, des fois, c'est qu'ils pognent des Nowhere, puis on a des belles surprises. Tu sais, des gens juste comme... Moi, je tripe Star Wars, je connais vraiment ça, je connais tous les bouts d'histoire, puis le kit, je vais écrire de quoi que le monde va aimer. Ouais, je pense qu'ils vont faire de quoi de cool, là. Si on se fout d'Avengers, ça va être vraiment nice. Je suis même pas inquiet. La seule affaire, c'est qu'on va le payer 34,99 pour un combo quelconque. Il va rentrer dans la voûte. Ils vont nous charger overprice. Ah, mais comment est-ce qu'il peut rentrer dans mais en bout de ligne. En bout de ligne, André, je vais le downloader. So. Ben, c'est un peu ça. La voûte, là, on s'entend en 2012. Ben, là, ça sert à rien. La voûte, elle n'existe plus. C'est là. Disney, je suis d'accord avec toi, c'est leur façon. Mais on s'entend qu'il y a aussi. C'est plus en 2012, la voûte, non. non, mon gars. La façon qu'ils font leur affaire, leur business, il y a la voûte pour eux autres. Là, on remet tout, on sort ça aux 6 ans, puis nanana. Ben, c'est déjà quasiment mieux que Star Wars qui nous a vendu à date 4 fois la version des premiers très films. Très vrai. Puis qui attendait 10 ans entre chaque fois. Là, puis comme, yeah, des scènes rajoutées, yeah, un meilleur son, yeah. Hey, c'est vrai, j'ai vu un nouveau coffret chez Costco c'est ça, la semaine passée. Ben ouais, c'est... Un 6-pack, là. Puis t'as tout en Blu-ray à Star, puis ils te l'ont vendu 20 fois. Ben écoute, les fans, ils ont acheté à 3 fois. J'aime ça, Milter, que t'aies des opinions sur des films, parce que live, là... Je dis live là souvent ce soir. Ouais. Mais parce qu'on est live. Parce qu'on est live. Parce qu'on est live. C'est voilà. La première fois, on t'en dirait qu'il y a des gens qui nous écoutent. C'est bien. C'est pas épais qu'elle dit tout le temps. Moi, j'aimerais juste dire. Ouais. J'aimerais juste dire qu'on commence à bosser le temps. Pas tant que ça, sans joke. Il n'y a pas de temps. On est à 1:15. Oh, c'est pas assez. Mais Milter, moi. On parle de film, puis ouais. Je veux que tu nous parles de Wild Zero. Et voilà. Ta manette c'est dorée smooth. De la semaine passée. Ma manette dorée, Segway. Ouais, on moi, fait un segue vers le nouveau segment. Tu m'en parles. Ouais. Ben, c'était le défi. Ça, c'était c'est le film que Mel a me imposé. Garoché. Imposé. Non, ben, il faut que je l'écoute pour le podcast. Ouais, c'est ouais, toi ouais. Qui me le donne. Fait que tu me l'imposes. En passant, je te l'ai. D'une même. En passant, je te l'ai pas ramené. Je l'ai oublié chez nous. Ben. Ok, mais au plus, je t'ai donné une copie du copie. Ok. Ah, c'est vrai. Oh, ouais, c'est vrai, non, c'est vrai, je t'ai donné un beau film avec un DVD. Ouais, non, c'est. C'était une joke. J'ai mal dans le bras, je pense qu'André, il me poignardait à travers. Non, non, j'étais juste. Je t'ai flatté. Poussé brusquement. Ok, ben. Sweet. Zero, en tout cas, c'est un film japonais que j'ai écouté avec la femme. Ah, t'as vraiment écouté ça avec ta femme? Je l'ai regardé, j'ai dit, gars, là, la soirée, ben, il faut. C'est l'imposition. Mon film de pour le podcast, j'aurais pas le temps les autres soirs. Fait que, tu sais, d'accord. Ok, ben, mêlée, tu sais. Puis. Ma manette d'or, là, ma femme, elle voulait rien savoir de Big Man Japan. Non? Fait que, félicitations. As-tu fait fuck that, je m'en vais me coucher. Puis. Elle a dit de la merde. Elle s'est couchée avec une bouteille de vin blanc, puis à chaque fois qu'Eric riait, elle prenait une coupe. Ah, ça, c'est un en passant, le monde qui écoute le Geek Collectif, là, si je ris, boy. Oh, boy. Hey, non, ça c'est... Non, non, c'était... L'entente, c'était si je sacre, on boit. Non, c'est tu sacre. OK, si Mel sacre et moi... Vous buvez. OK, fait que dans le fond, ils boivent. Oh, ouais, ils boivent tout le temps. Et je suggère un 40 onces de Jack, Tennessee Honey. Trop spécifique. Et Tennessee Honey. Une gorgée à chaque fois que je ris, mets la sac. Fait que World Zero, Milter. Bon, OK, World Zero. Je m'ai dit, ça va être drôle si je vous dis la définition puis la note donnée de IMDB avant que moi je vous parle du film. Oh, vas-y, boy. Vas-y. Premièrement, c'est un film fait en 1999. T'as ça? Fait, dans ce temps-là, les effets spéciaux, c'était de la crise de mort. Mais c'est ça qui est bon, mais c'était drôle. Sortie, Matrix. C'est ça que je dis, la crise de mort. Tous les effets... Non, mais en tout cas, pour Jurassic 93, pour ce film-là, là, au Japon, là, c'était pas la grosse coche. Okay? Okay, c'était okay. Pas du CGI. C'était-tu un direct à DVD, ça? Ou... C'était pas vu, non, DVD. Direct à VHS. Je m'excuse, celui que j'y ai prêté, c'était un DVD. Mais je veux dire, en 99, y'avait-tu des DVD? C'était un VHS. Je pense qu'il y en avait des DVD. Honnêtement, moi, je l'ai commandé sur Amazon il y a environ 7 ans, puis c'était en DVD. Je veux dire... Ben, okay. Fait que c'est sorti au cinéma. Le film au Japon. Quand les DVD commençaient. Ouais. Il était fait en 99. OK. 99. L'acteur, tu l'as-tu? C'est qui? Il joue là-dedans? Ben, le nom des... Il y a des acteurs, mais c'est des estimes noms japonais. Bon, alors, fait, je suis pas capable... J'adore la culture japonaise. Oh, tapeur. Mais... On a Nick qui nous dit qu'il a vu ça au cinéma. Ben, OK, Fantasia, il l'a vu à Fantasia, là. Fantasia, ça compte pas comme il l'a vu à Fantasia, c'est pas vraiment du cinéma, là. Les affaires que j'ai vu à Fantasia que j'ai plus jamais revu de ma vie après. Ouais. Faut dire que ce gars-là, c'est pas une référence parce qu'il m'avait amené voir un film à propos d'un pénis qui mangeait du monde puis qui tuait du monde à Fantasia. Non, ça, c'est le vagin qui mangeait du monde. Non, à la fin, t'avais le vagin. Spoiler, je m'excuse. Ça s'appelait. Mais... Comment ça s'appelle, non? C'était quoi le nom, Nick? Tu nous le écoutes, le nom du vagin qui a des dents dedans, là. Oh, attends un peu, il va le sortir, c'est sûr. Les noms des trois acteurs principaux qui sont dans le band, Guitar Wolf, c'est... Bad Biology, c'est ça. C'est Teet, le nom de ça avec le vagin avec des dents, ça s'appelle Teet. Non, c'était Bad Biology. C'est circonstance. Non, c'est le pénis, moi je te parle du vagin. Ah, OK, ah. C'était Teet. Ah ouais, fait qu'il y a deux films. Ouais. Mind blown. Mind blown en Christ. Puis le vagin partout, là. Qu'est-ce qu'on t'énerve? Hey, qu'est-ce que t'as qu'on est pénis? C'est pas le point collectif, là, notre affaire, là. Okay, non, vas-y. Mais c'était le film, là. OK, en vas-y. En passant, j'ai appris un nouveau truc aujourd'hui. J'ai besoin de ta caméra, on va le faire après. OK, ah, en fait, non, no problem. Mais, OK. Les trois des acteurs principaux, c'est Guitar Wolf, Bass Wolf et Drum Wolf. Yeah, c'est le nom des bands. C'est le nom des trois membres du band. OK, mais y a-tu Sing Wolf? Non, c'est Guitar Wolf. OK, Guitar Wolf, il chante? Oui. Mais je pense que la façon que c'est fait, c'est... Bon, va être franc, toi, là, Bass Wolf pis Drum Wolf sont comme un... Je veux pas dire personnage secondaire, mais ils suivent Guitar Wolf en tabarnak. C'est sidekick, là. Comme lui qui a toute la charisme, eux autres, lui, il est en moto. Lock and roll! Ouch. Rock and roll. Non, c'est lock and roll. Une couple de fois. Ouais, ben... Bass Wolf, il est mort en 2005. Non, non, plus récent que ça. Ben, je sais pas, Nick, il est quand même expert, mais... C'est plus récent. Il est sur le chat. Plus récent, je te dirais. L'expert en Guitar Wolf, le band. Ben, le pire, c'est qu'il en fait jouer chez eux. C'est bon, vous devriez. C'est très distorsionné, mais c'est bon. C'est très bon, du punk rock, rockabilly un peu. Parle-nous de ton résumé, parce que là, on dévie encore comme d'habitude. Ben, c'est pas grave, on est là pour ça. On est surtout réputé pour ça. 6.4 sur 10. Hey, c'est bon, ça. C'est pas fait. Pour IMDb, ça, je sais pas, j'avoue, j'aurais dû checker. Ça doit tourner autour des 89. D'après moi, il me semble que j'ai un flash. 6.4, c'est 89. Non, 89. OK, 89 votes, c'est comme wow. Ouais, 6.4 égale 89%. les maths, on est pas là-dedans. Ouais, vraiment. Ouais, OK. J'étais comme moi, j'ai traduit la description. Okay. Parce que c'est en anglais, on s'entend. Là, on dérape, on l'écoute. On écoute en une ligne. C'est... Seulement Guitar Wolf, le band, peut sauver la Terre d'aliens utilisant des zombies pour attaquer celle-ci. Attends, il sauve la Terre en attaquant la Terre avec des zombies? Non, bon, attends, c'est bien compris, là. En attaquant celle-ci. En protégeant celle-ci d'aliens qui attaquent la Terre avec des zombies. OK, ouais. Wow, okay. Et les aliens qui arrivent, ils envoient des zombies sur la Terre puis ils attaquent les humains avec ça. C'est exactement ça. Okay, mais seulement eux peuvent protéger la Terre de ça. Okay. C'est Gusto, okay. C'est les Saviors. Ça, c'est IMDB, là. C'est pas moi, là. Moi, je rentre en bain. IMDB français, en plus. Oh, dire, non, anglais, c'est moi qui l'ai juste traduit bien vite. Mais... Mais Mais vous décrivez le film en ordre chronologique bien vite. De comment que. En résumé, là. Parce que regarde, c'est sorti en 99, style, la règle du 3 mois du spoiler, mange la main. Non, oui. Allez le voir, ça va être drôle. Mais ça commence avec un plan de la Terre, puis plein de petites secoupes volantes partout, puis tu fais comme, que c'est ça? Je pensais que j'écoutais un film de japonais rockabilly avec des zombies. Là, non, c'est des secoupes volantes partout. Fait que, okay, oui, non. Il y a une genre de comète, non, une météore, j'ai même barré comète, tu m'as fait, gueule, c'est météore, parce que comète, ça sonne plus fif que météore, tu sais, un... Ça fesse plus. Météore, ça a plus de punch. Ouais, ça fesse, tu sais, le comète. C'est beau, tu sais, météore, bang, ça rentre. Là, j'avoue que météore, tu sais, ça rentre au poste. Ben ouais, c'est ça. Il y a le météore envoyé par ces mêmes secoupes qui s'en va crasher sur la Terre. Mais ça reste un peu flou, tu sais, genre, hein, tu sais, comme... Qu'est-ce quoi, il n'y a pas de focus, ou... Non, ben, plus, il ne parle pas de ça, tu sais, après, ça okay. coupe à quelque chose, puis tu fais comme, tu sais, c'est pas... tout le monde se concentre sur la crise de météore, là, quelque chose. C'est comme, oh, elle a crashé, qu'est-ce que ça fait? Ça coupe à quelqu'un d'autre. Les quelqu'un d'autre, c'est le band Guitar Wolf, qui rentre dans un genre de... Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un genre de crack house... Puis, il y a un dealer de drogue qui est là, qui a une coupe champignon. C'est un japonais qui a une coupe champignon blonde, puis des camisoles. Il a de l'air très efféminé. Ça, c'est un crack house japonais, on va dire. Okay. C'est genre de pusher Gino, là. Ouais, pusher Gino. Que tu vois juste au Japon. Ou au New Jersey. Puis, ouais. Mais japonais, fait que c'est pas italien. Mm. Mais en tout cas, lui, il est en camisole, il est là, il y a des bodyguards, tout, il vend des pellules. Guitar Wolf, il arrive, puis il sort un gun. Lui, il sort un gun en même temps. Guitar Wolf essaye de se procurer les pilules du dealer. Ça commence bien, pareil, t'es un band qui pique des pilules. La première chose que tu fais, c'est que t'es en train mais de pas vivre des pilules. Mais que les gens ne prennent pas de drogue ou c'est je pour lui? Je ne sais pas, je ne veux pas tomber sur le band, mais je pense que c'est pour lui. Ouais, c'est pour Razo, moi, avec, les musique qui font. Ils volent pour eux autres, là. Tu sais, c'est pas on les vole pour un maudit dealer de merde. C'est on les veut, les pilules. Fait que là, ils rentrent là, le gars, il passe sur lui, il tire une balle, là, c'est, on dirait une grosse baie en or, là, puis il pète trois doigts du dealer, puis ça fait éclater la tête du gars en arrière de lui. Fait que là, tu vois le film, tu le fais, oh shit, c'est du gore, c'est hot pour ça. Mm. Ça, c'est cool. Mais là, tu te demandes, c'est quoi le but de cette petite scène-là, bâtard, genre? Il y a un petit rockabilly nowhere japonais qui rentre, qui s'appelle Ace. Ace! Il est vraiment nowhere, là. Ace! Ace, en plus, c'est... fuck you, c'est pas ton vrai nom si t'es japonais, là. Tu sais, c'est sur... Ben, Yukimashi quelque chose, genre Yukimashi! Non, non, mais qui appelle vraiment son fils japonais Ace, là? Tu sais, c'est lui qui est trop rockabilly, qui s'est auto-appelé de même. Mais il rentre dans la place, il voit... Guitar Wolf, il capote, qui est en train de pointer un gun vers un dealer qui pointe un gun vers Guitar Wolf. Fait que lui, il fait « Rock and roll will never die ». C'est la seule phrase qu'il fait. Il se fait pointer, tout le monde capote, nanana, ça se tire. Il se pousse, Guitar Wolf voit le gars, puis il donne un sifflet. Quoi? Il donne un sifflet, un petit sifflet. Puis il dit « If you need it, use it will come ». Ah, mais c'est bon quand t'as des plot points qui sont bien expliqués ouais. comme ça. Fait que je te gâche qu'il utilise un moment crucial. Ouais, ouais, voilà, et voilà. Ouais. Fait que là, déjà là, tu fais comme, c'est qui Ace? Qu'il rentre, qu'il y a un sifflet. Puis après, Guitar Wolf, c'est comme, qu'est-ce que c'est des gros bad guys qui volent des dealers, tu sais? Mais là, tout d'un coup, ils disparaissent, puis t'es vaut pas pour un bout, puis tu suis Ace. Puis Ace, il passe sa petite moto, il s'en va où? Dans un SO. Il y a des SO ben, au fucking Japon, des... man. En passant, là, faut que je dise une parenthèse, là. Street Fighter de Sonny Chiba, 1973. Ça se passe dans un SO? La scène finale, c'est Sonny Chiba qui est en train de marcher lentement d'un Texaco truck qui vient d'exploser en grande flamme. Fait que des références américaines comme ça, ah, c'est loin c'est, de... Je sais pas où ils ont filmé ça, là, mais... Il y a rien de plus... Oublie pas, ils ont droppé deux bombes nucléaires là-dessus en 45. Ouais, il mais... y a rien de plus américanisé que le Japon en restant japonais. Avec leur fucking whisky de riz, puis... Whisky de riz! Pour vrai? C'est pas une joke! Ça existe de vrai. Mais, 5 piastres, un verre. Pour revenir à ma description du film, là, courte, là... Le gars Ace, il arrive en plein milieu d'un vol de dépanneur au SO, fait par trois estimes nobody. Là, sérieux, il rentre dans le film comme de même. Puis qu'est-ce que c'est ça, ce monde-là? Genre, là, c'est comme un autre plan, là, on part à une autre histoire, puis tu vois les trois personnes qui se volent un DEP, puis ça marche pas. Mais dans le DEP, il y a l'employé Tobio, une jeune fille Japonais. Tobio, c'est pas le nom d'Astro Boy, ça? C'est ça, je sais pas. Non. Je pensais que c'était Astro Boy. Non, ouais, mais c'est la version, mais. Non, Tetsuo. Tetsuo. Non, mais là, t'es Tetsuo. Dans. Tobio. Non. Non. Ok. Anyway, c'est pas que ça, je te dis les noms de Tetsuo. Kaneda! Excuse-moi, je suis dans les. Mais en tout cas, Tobio, il est là, puis tu sais, elle tombe là dans les pommes. Mais quand j'ai peur, je suis une petite fille japonaise, nanana. Mais elle se fait kidnapper. Elle pas kidnappée. C'est leur réaction, les filles japonaises. Oui, ben c'est ça, ça. C'est classic reaction. Tobio, mais... c'est le nom de Dr. Tenma dans Astro Boy avant qu'il fasse le robot. Pas le robot. Fait que son fils crève, Tobio, puis il fait Astro Boy. Pour, en tout cas. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Excusez, Wiki. Peut-être que c'est félicitations pour ce catch-là, par exemple. C'est un bon lien. Peut-être que c'est un lien avec le gars qui a fait le film qui tripait là-dessus. Je sais pas. Attention, des Japonais qui trippent sur Astro, impossible. Non, j'avoue, c'est juste au Québec que ça a pas mis ça. Mais la fille Tobio, elle tombe dans les pommes. Hey, s'il rentre, il arrive là pour mettre du gaz. Il rentre, mais il accroche, tu sais, la classique scène cheap de le gars, il vole le dépanneur, l'autre, il ouvre la porte dans le dos. Puis, c'est vrai que c'est drôle, quelqu'un qui. Un peu, ouais. Un peu, ouais. Tu sais, c'est cheap, là. Take a penny, leave a penny. Fait que là. Non! Il a arrêté le vol, tu sais, comme là. Not my problem. Thank you for the chocolate milk. Ok, let's go, les gars, faut pas que tu sais, là. Ça va bien. Are you gonna kill my grandfather? Non, mais. Ok. Ok, excuse. Mais en tout cas, il rentre, fuck off, tout est fini, genre, il a arrêté le vol. Il réveille la petite fille, pis c'est comme, oh wow, tu sais, la scène classique, film japonais, on tombe en amour, genre. Cheese, let's go. Cheesy, là. Il la connais-tu avant de la réveiller? Non, ou... elle est tombée dans les pommes parce qu'il y a un vol. Ah, oh, c'est dangereux, boum, lui il rentre, il accroche le gars avec la porte. Cheesy au bout, ah, ok, on s'en va, on se pousse en courant, le vol, il est échoué. Il réveille la fille, puis elle, c'est la première chose qu'elle voit, fait qu'elle capote, tu sais, elle est en amour avec. Mais le gars qui accroche avec la porte, là, c'est-tu Black Man Don't Care? Non, ça aurait été fucking mais c'était un genre de sérieux, japonais aux cheveux longs qui foutait pas pantoute avec personne dans le film. Qu'on verra plus du reste, mais oui. C'est ça, là, c'est un gars pas important. Okay. Après, ça c'était ta description courte, hein? Le commanditaire le plus. Ça c'est la version courte des scènes. Là. Il y a des bouts longs là en japonais qu'on comprend pas. Une chance qu'il y a des sous-titres. Mais Ace, il part de là, puis la fille est en amour, puis il dit quelque chose comme genre. Tu dis de la version courte. C'est ça. Non, mais c'est mon comme ça sérieux, là, vraiment. C'est des scènes importantes. Imagine toute la merde que je te skippe là. Mais là, il part, là, il s'en va sur l'autoroute parce que lui, c'est un rockabilly en moto, là, genre, là, pis il dit, c'est comme love, là, tu sais, c'est pas le temps, là, tu sais, ou de quoi. Fait que là, il part sur l'autoroute, il arrive à une place, il y a des zombies. Pis là, il y a un autre char, il y a du monde qui se sont fait bouffer, nanana, il y a des zombies. Pis là, il capote, pis il se fait comme, fuck, qu'est-ce que c'est ça, il y a des zombies. Pis moi, j'étais comme, il était titan, quand est-ce qu'il y a des zombies, ça fait une demi-heure, j'écoute le film, il n'a pas un. Ok, tout ça, c'est une demi-heure. À peu près. C'est un film de 2 heures. Les zombies, c'est long, pareil. C'est 1h45. Hein. Les zombies sont laids, sont verts, sont vraiment, ils ont un teint vert, là. Ils penchent sur le vert fluo, ces zombies-là, un peu, là, tu sais. C'est pas des zombies, c'est des extraterrestres. Non, les extraterrestres envoient des zombies. C'est des zombies extraterrestres. Voilà. Ouais, mais ils ont pas la forme d'humain, genre. Ils ont pas une forme de. C'est en humain, là. C'est ça, là. Oh, man. Ah, c'est les snatchers, c'est malade. C'est compliqué, man. Non, c'est quand compliqué. Est-ce que Donald Sutherland y arrive? 24 heures avant la fin. Mais non, ça, c'est. En tout cas, le gars, il y a des zombies. Il call Guitar Wolf. Parce qu'il est dans marge. Les zombies, ok, non, hey! Ils sont sifflés du début! Ah oui, c'est vrai! Fait que là, ils sifflent dedans, pis là, eux autres sont comme à l'autre bout, pis tu sais, c'est pas une téléportation qui arrive de même, là. Ils l'entendent comme à l'autre bout, pis là, ils sont comme, ah, si tu fais, on part en moto, pis en char. Ça a une chanson, c'est juste un bruit. Attends, il. Oh, man. Non, c'est pas la flûte de Zelda, de Link, là. C'est pas la flûte de Zelda, là. C'est juste un put, ils sifflent, pis Guitar Wolf l'entend, même si on est à l'autre bout du monde, c'est un show, là. Ouais, il faut le dire trop. Il a vraiment fait écouter. Ça, toi, yeah, là, man! Ah, oh, j'ai tout écouté ça, là. Puis là, mais en tout cas, le gars, first. Avec sa femme. Il cherche. Ouais, avec ma femme. Elle est là à prendre des notes. Ah ouais, moi, je prenais des notes, elle me disait ça, tu devrais écrire ça, puis dire quelque chose comme, ben là, il y a un ressaut, tabarnak. Là, j'étais comme, ouais, je vais dire ça, là. Elle me guidait dans mes notes. Elle me disait même comment le dire, des fois, c'est pas pire. Elle m'aide. Martine. Elle fait beaucoup de théâtre, fait qu'elle est bonne là-dedans pour m'aider dans les expressions, les affaires. Moi, j'ai vu sur le son. Là, dis ça, là. Parle du SO, tabarnak. Dis, il y a des SO, tabarnak. C'est ça, tu sais. Mets de l'ampleur sur ton tabarnak, là. plus émotif, ton tabarnak. Rentre dans ton personnage. Elle est pas si pire que ça, mais elle est bonne. Oh. Mais non, mais c'est... Tu es Milter. Le gars... Pendant ce temps-là, ok, je vais revenir au résumé pour que je le résume un moment donné. Ouais, un moment donné. Guitar Wolf, c'est bon. Il cherche, tu vois leur côté comme on s'en va vers le sifflet, tu sais. Pendant okay. ce temps-là, Ace, il arrive au SO, il sauve Tobio, la fille Tobio. Qu'on trouvait. Qu'elle trouvait ok, mais Tobio, c'est une fille. Attends. Oui, c'est une fille, Tobio. Ben, jusqu'à là, justement, parce que là, il s'enferme dans le SO. C'est un gars. Ça devient un gars. Hey, man, c'est un gars. T'as, ils sont 16, là. Meat spin. Attends, est-ce qu'il veut un nest ben, boot, ouais, là? Ben, là il coupe ça, là. Ils sont dans un safe house parce qu'ils se réussissent à se pousser les zombies. Ils se poussent du SO, ils se ramassent dans une place safe. Tobio veut comme... Codler. Coucher avec, là, quelque chose. Meat spin. C'est le genre de... Meatspin.com. C'est le genre de moment, genre, là, tu sais, que tu vois cheesy d'amour un peu, pis tout. Pis lui, il se revêt, Ace, là, il est comme pas en train de regarder, pis la fille, en arrière de lui, elle se déshabille. Pis il se revêt, pis elle fait juste comme, tu vois la face, pis c'est comme, tu sais, une face de let's go. Fait que dans le fond, t'as écouté The Hangover 2, toi. La caméra baisse, pis tu vois, c'est un gars, pis ça. Un gros pénis poilu. Non, tu vois pas le pénis. Y'a pas de poil au Japon. Non. Il est censuré, mais il te montre la face du gars qui fait comme ça. Il est tout noir, impossible. Mais finalement, il se pose, tu sais, en même temps, y'a des zombies qui arrivent, qui rentrent dans le safe house, y'a cette bout-là. Il réussit à se pousser sans Tobio. Il l'abandonne, puis je le comprends totalement dans un sens après cette surprise-là. Mais finalement, il rencontre... C'est crying game un peu, il l'a-tu embrassé? Attends, il se fait trouver par Guitar Wolf, le band, par après, puis il y a un changement de cœur. Puis il fait finalement, je l'aime. Mais attends, t'as pas dit la phrase la plus importante que Guitar Wolf lui a dit? Rock and roll and courage? Non, attends, c'est... Fait c'est rien que ça qui dit. Love has no gender or boundaries. Ouais, c'est vrai, y'a pas de frontières. Love has no... Il lui crie après en japonais. Ça cause tout en japonais que c'est compliqué. Ace! Puis lui dit... love has no gender and boundaries. Il donne un gros speech à mort. En gros, il repart avec Guitar Wolf chercher Tobio. Puis Guitar Wolf, il sort des pics. Ça, c'est carrément. Ah non, attends, pas tout. Non, c'est pas tout ça. T'as skippé un bout, là. Il sort sa main, il y a plein de zombies partout. Toi, tu veux parler de. Attends, sa main, elle a des zombies? Non, dans sa main. Non, il arrive. Là, les vaisseaux arrivent sur la Terre. Ça, c'est après. Les vaisseaux arrivent sur la Terre, là, Victor, c'est comme, oh fuck. Sacrament. Non, mais c'est intense, parce qu'avant, il tue des zombies pour sauver Tobio avec ses pics dans les mains. Il y a comme des pics électriques Puis il pitche, tu sais, comme les rappers, là, Make It Rain, là. Puis il flippe des cash, là. Mais lui, c'est comme plein de guitares qui partent. Il tue tous les zombies, il sauve la vie. Mais là, le Chris de dealer du début, là, qui a de l'air momoune avec la coupe champignon puis la calotte, il arrive au même moment. Puis un genre de wannabe gunfight. Il se fait transformer par en zombie. Puis il devient un zombie à cause de je pense que c'est ses pilules qui prend sans arrêt. Il tire des crises de laser vers ses yeux. Il s'est fait mordre ses pilules, lasers, puis en tout cas, c'est une affaire. Il tire sans faire exprès un vaisseau alien qui est au-dessus d'eux autres. Fait que là, les aliens décident, on va attaquer directement. Fait que là, c'est la finale totale. Le chanteur de Guitar Wolf, il monte sur un top de building, genre, je sais pas quoi. Puis dans sa guitare, tu sais, le manche de la guitare, c'est comme un sword. Un katana. Un katana. Il sort le katana, il fait juste le lever dans les airs. Ouais, c'est un bout de ça. Le vaisseau alien qui passe à hauteur du katana se fait splitter sur son entièreté, sa longueur. Un vaisseau de 1 km de long, quasiment, là, je te dirais, là, tellement que c'est long, là, à la Starship Enterprise, quasiment, tu sais. Lui, il slice ça en deux avec son katana. Puis ça s'en va crasher dans le champ en arrière de lui. Puis ça finit sur le chanteur de Guitar Wolf qui a un katana guitare dans les mains avec du feu en arrière. Excuse-moi, c'est vraiment épique, ça. C'est malade. Les 10 dernières minutes sont les meilleures du film. C'est weird comment je dis ça, là, mais en tout cas, le gars, il aime l'autre gars qui s'habille en fille. Fait qu'en gros, tu vas te venger sur quelqu'un cette semaine, toi, là. Ben oui. Mais attends une seconde, comment est-ce qu'il peut se venger? Parce que, de un, Il y a un résumé qui parle d'une passion. Non, non, mais t'imagines-tu la passion ou la haine qu'il a mis là-dedans? Là? Quand Guitar Wolf saute à Mané, il a super un gros bout, il raconte une vie, tout ça, puis le gars avec la coupe champignon blonde, ouais, lance avec un bazooka qui explose, genre. Fait qu'il fait exploser les esprits. Japonais? Ah, il fait une coupe de champignons blancs. C'est une bobotte, là, il a l'air. Ouais, c'est vrai. Mais, okay, il y a un shotgun avec des genres de grenades dedans, puis poum, des grenade launchers, genre, il lance des grenades. Ce qui est cool d'un podcast, c'est que les gens téléchargent l'épisode, puis une shot qui est téléchargée, ça compte, hein. On s'excuse pour ce film-là ou le résumé. Non, c'est, mais pour le reste, t'es cœur, hein. T'es cœur, hein, le film. Ok, ok. T'as aimé ça? Moi, j'ai aimé ça. Ok. C'est pas entertainant, non, mais il y a des bouts un peu là. Je veux pas dire long, mais c'est un overall bon film. Oh, j'aime la morale, mettons, de l'histoire, que c'est correct. Genre, il y a pas de limite, ni rien en amour. Ça c'est comme le rock and roll. Ça l'a fini sur les mots courage and rock and roll. Ouais. Fait, ça, moi, je résume le film à ça. Mais il y a oublié un bout. En fait, juste vite. Le film. Ah, tout est juste. Ouais, mais il a oublié un bout. C'est un bout drôle. Il est deuxième étage, le gars, il lance des grenades avec son gun, puis il décide de sauter, puis en sautant, il prend sa guitare, puis il fait RING! De même, ouais, genre. Ouais, c'est puis en tombant en atterrissant en bas, genre, ses deux pattes, bien comme faut, bien chill, il sort là, il accorde sa guitare. Mais pendant qu'il y a des amis derrière de lui qui essaient de l'attaquer. Ah, ça, c'est assez. Fait ding! Tout de même du film aussi, ça aurait été long en crise, mon affaire. Déjà que c'était quand même long, là. Écoute, fait. Non, mais c'est un résumé très. C'est travaillé c'est et ça, concis. Là. Fait que ça mais... c'est le son de tout le monde dans le podcast qui veut donner un film à Milter. Hey, ça n'a pas de sens. Non, mais il y a des bouts, gars, si je le dis pas, tu vas être comme belle. Non, mais t'as fait une dissertation, mon homme, puis je te tire mon chapeau. J'ai pris des notes, man. D'aplomb. Non, mais tu l'as écouté pas à peu près, ce film-là. Est-ce qu'on peut attendre une seconde? Sauf que... On fait un cheers pour Milter qui a pris des notes. Ouais. Cheers, j'ai pris bien. Cheers. Cheers, yeah. Milter, qui est-ce que tu... Si la personne suivante va prendre des notes aussi. Eric, je pense que t'es fait. Moi, non, je me dis, je vais pas faire le rond pour pas faire qu'on s'habitue à faire tout le temps. Fait que si tu fais pas le rond, c'est pas... J'ai pensé le pire, c'est qu'il sait que je vais être jaloux là, de voir qu'est-ce que j'ai pensé à André Houmel, parce que j'ai pas le choix. Qui? Là, André Houmel? Ok. André Houmel. Là, tu t'es dit, Mel t'a donné le chose, fait que... Non, ben, ça, puis en même temps, je me dis, ça fitterait plus avec la jeunesse de Mel qu'avec André, fait que justement, je vais le donner à André. Juste... Oh, c'est-tu... Non! C'est... Je l'ai ici, le village de Nathalie Simon. Oh non! Oh non! Ah non, ben là, hey! Faut que j'écoute le coffret au complet! Il y a 5 CD, je te le donne. Faut que j'écoute le coffret, ben là! Non, t'es pas obligé de l'écouter au complet. Wow, c'est malade! C'était ça avant qu'elle fasse l'évasion fiscale, ça? Ben oui, il est sorti avant ou après. Hey, je veux un coffret! Je veux un coffret. Je veux une photo avec mon coffret, moi, là. Là. Hey, le village de Nathalie. Hey, il y a encore le sticker de la régie dessus. Il n'est même pas déballé. Gars, je vais te laisser prendre les photos, puis après, je vais te dire de quoi. Ici, OK, hey, t'as peur, ben là. Ici, Nathalie. Oh, photo. Clic. Attends. C'est parce que maintenant, je ne souris plus. Hein. C'est déjà temps excellent. De sourire avec ça. Ouais. Mais, OK, André, c'est une joke. Je te laisse le coffret pour de vrai. Fait que tu viens de me donner un cadeau d'autre pour Nick vendredi. Non. C'est un cadeau juste pour le fun. On va pouvoir le griller. La raison pour de vrai, j'y pensais, je voulais le donner pour de vrai en un peu... mais non. Je me dis, c'est pas assez geek. Ah. C'est ben pas... non, hey, le pire, c'est que c'est très geek. C'est bon, ça, la boîte à mal, René Simard. Ben ouais, mais c'est, hey, c'est geek. Elle était cute, Nathalie Simard. Ouais, il y a fort longtemps. Disait la même chose dans le temps. Mais. Qui t'a dit? Attends, wow! Qu'est-ce qu'il a dit? Je viens pas de faire une joke de Guy Cloutier! Non! Ah, il l'a dit! Milter! Incroyable! Tu t'attends à quoi d'autre que je dise, là? Une joke de Guy Cloutier! Ah, il l'a dit, merde! Qu'il l'a dit! Tu peux le garder, mais moi, je trouvais pas que c'était une réponse. Bon, ok. Qu'est-ce que tu me sors, là? Tu vas trouver ça plus cool. T'es pas obligé d'écouter le coffret au complet, puis tu peux le garder parce que je l'ai en double chez nous. C'est le coffret d'Ultraman. Ah! Oh! Oh, wow! T'es-tu sérieux, man? C'est pas chien, ça! Non, c'est pas chien, mais c'est mais non, c'est pas chien, c'est cool! C'est l'autre qui était chien. Hey, excuse! Il y a une cravate? Oui, je sais. Oh my god, c'est dommage. T'as 4 cool, disques, t'as toutes les 30. T'es-tu sérieux? Hey, merci, ça c'est vraiment cool. J'ai écouté juste 2-3 là, mais. Moi j'aime le détail des japonais que c'est des pochettes, pochettes en papier, papier dans le box moi, set. Moi je peux te dire que je sais que c'est physiquement impossible qu'ils écoutent tout. Un disque. Challenge accepted. Oh man! Ça a l'air trop. Même on te le passé après, man. Ok, mais faut que j'écoute ça puis j'en parle la semaine prochaine. Faut que t'écoutes ça puis t'en parles la semaine prochaine. Puis je veux que tu me dises. Comment tu trouves ça en tant que live action quand tu vois à Star que c'est que t'sais? Ok, moi non, non c'est seulement. Bon, c'est bon là, là mais t'sais, en parce que quand tu le réécoutes, des fois tu fais comment c'est spécial. Non mais seulement. Là, c'était un hommage à ça. Ouais, moi je vous cale la shot. Non seulement, je vais vous parler d'Ultraman la semaine prochaine. Ben dans 2 semaines en fait. Il va parler de juste. Mais je vais vous parler du village de Nathalie. Aussi, aussi. Je me claque le village de Nathalie. Le dernier disque du son même, c'est un montage de plein de clips basés sur ça. Excuse-moi. J'ai un bon résumé sur Toupie Walala. Mais moi, je viens de voir de quoi, par exemple, excusez, mais sur l'emballage, c'est indiqué l'emballage du village de Nathalie. Dans le symbole. Édition collectionneur entièrement remasterisée. Oui, c'est du nouveau son. C'est du nouveau son. Hey, il y a quand même bien des clips. Non, mais, ok. T'as bien du stock, t'as 5 disques. J'ai du stock pas à peu près. Ok, fait que là, j'ai 5 disques de Nathalie Simard. J'ai bien des pochettes d'Ultraman. Ça va être un 2 semaines assez chargé. Donc, en gros, ce qu'on dit, c'est que donner sa chance à Disney. Ouais. L'ouragan Sandy bloquait les sites de porn. Oui. Hello Cat est bon. Oui. On stream des jeux de tentacules. Oui. Il y a un russe pornstar gay qui fait des vidéos qui sur du Mortal Kombat. Il y a du meat spin. Non, et... c'est pas ça qu'il fait, sauf qu'il est non, non, André, il n'y a pas de meat spin. Il n'y a pas de meat spin.com. Ça n'existe pas. Meat spin. Ça n'existe pas. Point... Non. Non. Okay. Est-ce que ça gagne juste meat spin sans dire c'est quoi ça? Comment vous l'appelez? Comment vous l'appelez? Comme la viande, le meat spin. Un meat spin. Meat spin. Viande qui tourne. Viande comme la viande qui tourne. Donc, pour conclure, nous sommes le collectif, le geek collectif. Mon nom est André Paquette, Uzumaki QC sur Twitter. Je vous invite à nous suivre, à nous écrire. Eric? Mon nom, c'est meatspin.com. Non, c'est pas ça. meatspin. Montréalien. Sur Twitter, effectivement. Moi, Zombie Milter, at Zombie Milter, puis juste de même, je dis ça de même, là, mais allez sur iTunes, nous rater nos épisodes. S'il vous plaît! Ça comment... serait cool, ça. Laissez, là, faites une quote la plus conne que vous pouvez trouver sur chaque épisode. Puis on va vous mentionner en plus. Hey, ouais, ça, là, honnêtement, on le fait pour vrai. Si vous faites un comment sur iTunes puis vous mettez quelque chose qui quote un épisode, ça on vous name drop. C'est bon, ça. Puis en plus de ça, si vous êtes rendu au point où ce que vous nous entendiez dire ça, vous n'avez pas le choix. Ouais. Puis juste avant, je veux faire un petit call-out à mes chums les Geekers, la commission des Geekers. Les sortez Geekers. La deuxième partie de l'épisode avec 3 bières. Esti, faites pas ouais, ça. Ouais, d'accord avec toi, c'était chiant. Hey, ça, c'était du coït interrompu, pur et dur. Ça. Une coupe ça de littéralement. Je suis en char en train d'écouter le podcast. Boum! Prochaine semaine à suivre l'épisode 2, la partie 2. Hey, t'as tabarnak. Je veux un épisode Steve, au complet. Je sais qui t'es. Steve, avec toi, hein? Alors ici, Mélanie Comtois, la grande geek G33K. j'ai un brain fart. Là. La grande geek sur Twitter. Je poste pas souvent. Si je poste, je donne des opinions qui sont souvent controversées. Donc, toujours intéressant à suivre. Pas être payé comme moi. Et ça, pour les gens du groupe, ben, on va se voir vendredi pour notre party d'Halloween oui, en novembre. Oui, j'aimerais juste dire aussi un beau salut à Pat La France. Salut Pat La France, c'est toute ta gratuité scolaire. On te supporte, mon si homme. Si jamais il y a besoin de monde pour faire une radio officielle Tazar, je pense qu'on est ouais. pas mal. On te supporte. Si tu as besoin d'une levée de fonds pour ton parti de politique, ouais. on va arrêter ça là, je pense. Ouais. Ouais, on va arrêter mesdames et messieurs, à dans 2 semaines. Merci beaucoup et surtout... Bon podcast? Ou quoi, surtout quoi? Ben, bon, je m'en ai juste arrêté là. En fait, je vais le couper au montage, je pense. Bonne semaine! Et surtout, bonne semaine. J'étais comme bon quoi, bon...